J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs. Puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Alors salut à tous et bienvenue dans cette 35e émission de Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du... Tortue, je sais pas. Oui, voilà. Comme il n'y a personne de l'équipe habituelle, il n'y a personne qui suit. Moi je fais exprès de dire n'importe quoi. Ben, non, finalement on va pas parler de comics, puisqu'on va parler de Wonder Woman, le film. Et de fouet, ouais. Ouais, et de... Ben non, pas de fouet. De lasso. De lasso. Fouet, lasso, c'est non, pareil. Non, lasso. Mais tu peux fouetter avec son lasso, parce qu'à un moment elle attrape quelqu'un et elle le fouette. Je D'accord. suis témoin, je l'ai vu, c'est tout. On vous l'avait entendu, il y a Faye avec moi, salut Faye, ça va? Salut, ouais ça va, chaudement. C'est le retour de l'enfant prodige. Ok, à côté de toi, il y a Romain qui va nous parler de sa boutique après ça. Oui, salut à tous, c'est Romain et je vous parlerai après de la boutique de Jojo Comics. Jojo Comics. Voilà. Dont on avait déjà parlé dans l'émission. En face de toi, il y a Vincent qui fait le son, qui est en train de checker. Donc si le son est merdique, ce sera de la faute de Arros, excusez-moi. Ah bah, de toute façon, tu viens de dire son identité secrète comme d'habitude. C'est une émission sur les comics où en fait le présentateur dévoile toutes les identités secrètes. Ouais, exactement. Parce que je vais au fond des choses et je... D'ailleurs, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit avant qu'on commence l'émission et tu n'étais pas là. Non, bah, je me doute qu'il a dit des bêtises. Donc ça va, Arros? Ça va très bien. Que te dire de plus? Ça va. Et c'est la deuxième fois qu'il est là avec nous. C'est Bertrand. Salut Bertrand. Salut à tous. Et voilà. Tu ça vas va bien? C'est chaud. Tu t'es remis ton expérience du live. En plus, il a commencé par le live en plus. Oui, enfin ça allait. Je vais essayer de m'en remettre. Je suis encore un peu. Oh Dieu, j'ai pris des yeux. C'est magique. T'as commencé par le plus dur maintenant. Ouais, t'as commencé par le plus dur et tu verras les autres émissions, ce sera plus simple. Il y aura moins de gens qui vont. Il y aura personne qui te regardera. Ils t'écouteront simplement. Et on va commencer avec des petites news quand même. Juste ça rapidement et on va lancer le générique des news. Donc voilà, c'était le fameux générique des news que tout le monde a entendu. Il est bien générique, hein? Oui. Il n'y a que Faye qui réagit. Merci, bravo, merci à Faye. Donc on va commencer cette news directement. On va parler beaucoup de ciné dans ces news parce qu'il n'y avait que ça cette semaine. Et puis on est dans une émission spéciale cinéma. Donc, Autant parler de cinéma. Voilà. Exactement. Donc c'est une news que j'ai appelée Une panthère sort des bois. Puisque c'est le film de Ryan Coogler. Vincent n'est pas d'accord avec mon. Il parlait peut-être de moi en fait, hein, c'était ça. Tu es une panthère? Oui, d'accord, je suis une panthère. Je t'appellerai la panthère pendant toutes les émissions. Si tu veux. Donc Ryan Coogler, le film de Ryan Coogler, à qui on doit Creed, que je n'ai pas vu, mais à ce qui paraît, il est vraiment cool. Donc il devait sortir en février 2018, commence sa promo. Donc c'est le film Black Panther. Puisqu'on a vu un poster où on voit T'Challa dans une pose très royale, sur son trône. Enfin, ce qui apparaît apparemment est son trône. Je sais que Faye n'a pas aimé ce poster, qu'elle trouve très très moche. Ben, en gros, le mec, on l'a pris en photo peut-être assis sur un tabouret, et après on a mis tout le reste avec des petits effets Photoshop, quoi. Ce truc était peut-être aux toilettes, ouais, hein, quand il a fait ce photo. Ça fait très pas, fake, hein. Mais moi je le trouve pas si moche que ça. Parce que qui l'a vu autour de la table, Romain? Moi j'ai trouvé que c'était le genre de photo comme les photos présidentielles où tout le monde se lâche derrière, on lui rajoute un petit trône, on lui rajoute des petits effets. Et j'ai vraiment cru que c'était un fake à la base aussi. Ok. Bertrand, qu'est-ce que tu as? Ah non, tu ne l'as pas vu, Bertrand. Si, je l'ai vu. Tu l'as vu? Qu'est-ce que mais t'en as? J'ai juste envie de d'ouvrir un Tipeee pour Marvel pour qu'il s'achète un graphiste parce que entre ça et Spider-Man, ça fait beaucoup. Quoi. Mais Spider-Man, il y a plein de posters et il y en a deux qui sont pas mal dans l'eau. Non. Non, d'accord. On a peut-être pas vu. Moi, il y en a deux. Sinon, on a le droit à un petit teaser où on voit le roi du Wakanda en train de casser la gueule à des méchants. De quoi? Mais Vincent, il l'a pas vu donc il peut pas donner son avis. Je l'avais retenu. Mais tu peux nous donner ton avis sur le trailer que tu as vu, je crois. Le trailer il m'a plutôt donné envie. Bon alors par contre je t'avoue que je l'ai vu genre le matin en me levant, on ne garde pas des masses de souvenirs, mais c'est l'un des rares films Marvel qui arrive à me hyper pour l'instant. Ah ouais? Ouais. Et ça va se concentrer du coup au Wakanda, hein. Il va pas arriver à New York celui-là. Non, je crois qu'il va rester sur Wakanda. D'accord. Bon écoute, ça avait l'air bien, mais je peux pas t'en dire plus, j'en garde pas des masses de souvenirs. Romain. Je l'ai pas vu. Ah tu l'as pas vu? Bah Faye du coup. Bah il y a Andy Serkis donc moi voilà, je vais le voir pour lui. Et on a une scène d'ailleurs justement où il parle avec comment il s'appelle celui qui faisait celui qui fait Bilbo, c'est j'entends plus son nom. Oui, merde, j'oublie son nom. Et du coup ça Martin Freeman. Voilà. Et du coup ça m'a fait penser au Hobbit quand ils font la scène des devinettes, c'était trop bien. Ah, sinon vrai, à part ça le voilà, la bande annonce bof. Et bah ouais, moi ce qui me gêne c'est genre OK, c'est un film où il y a que des blacks alors on balance du hip-hop. Bah c'est pas un peu je sais pas, c'est comme si sur Wonder Woman, on avait dit c'est Wonder Woman avec les Spice Girls quoi. J'ai discuté avec Juni et Juni est hypé parce qu'il a kiffé la musique. Donc En plus, elle est pas terrible la musique. Hein. Enfin, moi je suis pas très fan de hip-hop. Mais t'aimes pas le hip-hop donc. Bah, voilà. Ça veut tout dire. Donc bah voilà, moi j'ai trouvé ça, le trailer était sympa. On voit un peu d'action, on voit un peu le Wakanda qui a l'air un côté très traditionnel et en même temps vachement technologique. Et ça a l'air cool. Et ça a l'air mystérieux. Donc moi, je me méfie des bandes annonces maintenant parce que des fois, on est bien déçu quand on voit le film, quoi. Donc, Effectivement. On va passer à une autre news. Et c'est Chris Evans qui incarne Captain America depuis maintenant bientôt 6 films. Et comme il avait signé avec Marvel Studios pour faire 6 films, normalement, ils devraient arrêter après Avengers Infinity War. Mais il a déclaré dernièrement, suite à la promo du nouveau film de Mark Webb, qui s'appelle Marie. Qui va sortir en septembre, je crois. Quel film ? Le film de Mark Webb. C'est quoi ? Où il est avec une fille, Gifted. Il s'appelle Marie en France. Ah pourquoi ? Je sais pas. C'est absolument pas logique, quoi. Je ne sais pas. Parce que c'est sur une fille surdouée, une petite gamine. Ouais, bah ouais, elle doit s'appeler Marie, je pense. Bah voilà. Ouais, elle s'appelle Marie. Enfin bon, c'est pas. Le film a l'air sympa, en tout cas. Mais ouais. Il a annoncé. Et ben dedans, il y a la sœur de Jean-Ralphio. Ah oui, Mona Lisa. Mais c'est pas sa meuf ? C'est son ex, entre parenthèses. D'accord. Petit point parking de récréation. Voilà. D'ailleurs, il y a les pop qui vont sortir bientôt. Ah, elles vont génial. Moi, je les veux toutes. J'ai vu ça à ma poste. J'ai dit, oh mon dieu, il me les faut. Voilà, bref. Et voilà. Mark Webb, je crois qu'il travaille sur la série Crazy Ex-Girlfriend aussi. Parce qu'il y a son nom au générique. Alors, je ne sais pas si c'est un homonyme ou si c'est vraiment lui, mais c'est marrant. Il faudra vérifier, ouais. Du coup, il a dit que comme Avengers Infinity War et le 4 qui n'a toujours pas de nom, enfin qui s'appelait Avengers quelque chose. Sont directement liés et sont vraiment connectés. On lui a demandé s'il pouvait reprendre le bouclier une dernière fois pour le film et il a annoncé qu'il le prendrait. Et ils ont vraiment demandé genre une dernière fois ? Bah vu comment ils le tournent, enfin je sais pas comment ils l'ont demandé, mais lui comment il le tourne, ouais. Ça fait vraiment, à mon avis il va crever. ça sent le sacrifice. Théorie. Ça sent vraiment le sacrifice. Franchement ça serait pas mal, c'est pas même très un peu de relancer un peu tout ce bordel parce qu'ils sont bien gentils mais personne ne meurt quoi. Le seul qui est mort c'est un pauvre pecno qu'on a vu genre vite fait là dans l'autre là, le frère de la Ah rouge, oui quoi. Ah oui c'est alors mort, tout c'est le film excellent. Tout le film t'as des trucs à la Whedon où tu penses que c'est Hawkeye qui va mourir. Ça aurait été trop bien qu'il crève Hawkeye on s'en mais de toute façon alors déjà juste je vais revenir c'est pas que le Infinity Avengers 4 n'a pas de titre, c'est qu'il a un titre, ils veulent pas le communiquer parce que ça pourrait spoiler, donc peut-être effectivement du coup ça oui, bah, il va y avoir des morts pour l'instant non il a un titre oui, dans les coulisses quoi. Oui, voilà. Bah, c'est pas la ça même chose, c'est la mort de Captain America et celui d'après ça sera le fantôme de Captain America et effectivement c'est fatigant qu'il y ait personne qui crève. Moi je pensais que dans Civil War il y allait avoir des morts, notamment notamment War Machine, mais en fait je comprends pas parce que ça sert à rien. War Machine il aura jamais son film dédié, Black Widow aura jamais son film il dédié, il est pas drôle donc butez-vous, on fout Don Cheadle en fait. Non mais voilà, mais faites au moins crever ceux avec qui vous comptez pas faire de film. Putain, Iron Man aussi, il m'énerve. Voilà. Bertrand, est-ce que tu as un petit avis sur la mort de, possible ou pas de Captain America ? Bah, je pense que c'est possible, étant donné que bah, les acteurs vont quand même vieillir. Et si, jusqu'au prochain Avengers, il y a quand même quelques années, s'il faut peut-être pas trop signer pour 28 films, parce que je sais pas s'il pourra toujours avoir... Moi, c'est Donnie Junior que je vois qui bute. J'en ai marre de Donnie Junior. Romain, est-ce que tu as un petit avis ? Déjà, j'avais lu une interview de Chris Evans qui dirait qu'il partirait pas le premier. Ah ouais ? De ce que j'avais lu, c'était entre Thor et lui, les deux prochains, les deux premiers départs. Ça se trouve dans Ragnarok qui va courir. Et je pense pas puisque il est déjà un film sur lui. Il est déjà en plus crédité sur Avengers. Ah oui, c'est vrai. Et voilà. Après moi, celui qui me hype vraiment, c'est ce sera les prochains Hulk avec Planète Hulk. Ça, j'ai vu les débuts de projet et je pense que ça peut être vraiment sympa. Oui, non, je sais plus ce que je voulais dire. Du coup, on n'a rien d'autre à dire sur quelqu'un, quelque chose à rajouter sur Infinity War et Chris Evans. Nope, c'est parti, on va continuer. Alors, une news un peu plus triste, c'est on a appris récemment, enfin vendredi. que Adam West était éteint suite à une leucémie. Et si. Et bah, c'est celui qui a incarné le Batman le plus lumineux, je pense, c'est le plus fun dans la série de 66. Ouais, le plus dansant. Et sa collègue Julie Newmar, tu dois savoir qui c'est. Oui, si tu n'es pas dans le micro, ça va pas le faire. C'est Catwoman. Oui, c'est bien Catwoman. Sûr que je le sais, elle a tenu à lui rendre hommage en disant qu'il était brillant, joyeux, quelqu'un de drôle avec qui travailler. Il manquera dans ce monde terrestre, mais je continuerai à savourer dans le monde de l'imaginaire et de la créativité. Il comptait pour beaucoup de gens et je pense que c'est un peu grâce à lui ce que je disais sur la page Facebook. C'est un peu grâce à lui que Batman est rentré vraiment dans la pop culture. Donc qu'il a été plus populaire et qu'il est sorti du carcan des fans de comics. Après, ce qui est dommage, c'est que le pauvre, il s'est retrouvé enfermé dans son rôle-là, même s'il a fait beaucoup de doublage. Bon, il a fait énormément de guest stars dans des séries et tout, mais à chaque fois, il y avait toujours un petit clin d'œil, quelque chose à Batman. Il y a eu un retour de ce Batman des années 66 récemment, puisqu'il y a des comics, je crois, qui sont ressortis. Oui, il y a des comics et puis il y a un film qui est sorti aussi. Il y a un film d'animation qui s'appelait Batman 66. Return of the Caped Crusaders, qui est un film d'animation du coup avec. Qui est inspiré de cette série-là. Ouais. Et mais je sais pas, c'est quoi toutes ces hype avec. Je veux dire, avant la mort d'Adam West, mais bon, c'était plutôt sympathique. Et par contre, c'est marrant qu'elle dise ça. Comment s'appelle l'actrice qui fait Julie Newmar. Ouais, elle va crever l'année d'après, ça se trouve, donc. Ah, c'est pas gentil. Oh, le méchant. Dans un an, tu reviendras et si le ciel est mort, ce sera ta faute. Donc ouais, moi c'est pas vraiment une série avec laquelle j'ai grandi. J'ai plus connu avec les comics Batman et avec la série animée surtout. Mais c'est quelque chose que je regarde avec j'avais affection. J'avais déjà vu ça repasser quand j'étais petite dans les années 80. Ils le repassaient, je crois, sur la 3. Ouais, et une fois, Canal les avait repassés aussi sur toute une journée. Et j'avais vu le fameux film avec le requin en caoutchouc plastique. Là, qui l'attaque. Est-ce que quelqu'un d'autre a un souvenir autour de Batman 66? Le spray anti-requin, ouais, c'est ça son arme. Bon, pas de souvenir. C'est un peu trop vieux pour vous, vous êtes trop jeune, je crois. On va passer à une news un peu plus sympathique. C'est Ninjak qui se dévoile un peu plus en photo. Donc, c'est la web série Ninjak vs The Valiant Universe, ou la chaîne YouTube que vous connaissez peut-être. Bat in the Sun qui produit déjà ce que j'appellerais le concours de beats super héroïque. Super beat. Ah, mais c'est trop bien ça. Moi, je trouve que c'est vraiment trop. En fait, il. C'est quoi Il prend des personnages de comics genre Nightwing et il va le faire affronter Gambit par exemple, tu vois. Mais genre en combat? Ouais, enfin. C'est comme le truc que faisait MTV là où il faisait se tabasser des stars ou des personnages de films. Ouais, peut-être. Voir c'est qui pareil avec des cosplayers en fait. D'accord, mais c'est pas. Mais non, mais c'est trop stylé. Enfin, c'est sympa. Moi j'aime bien. C'est bien réalisé. C'est eux qui font aussi le truc où ils font se battre genre des princesses Disney, des trucs comme non. ça. Ah d'accord. Pas, non. Bon bah, il y a plein de choses. Super... Mais c'est très axé cosplay et très axé concours de. Enfin, moi, c'est un peu ce qui me pose problème dans les comics, le côté qui c'est plus fort d'un truc machin et trop machin. Enfin, c'est un peu useless, je trouve. Mais après, c'est joliment fait. Bah oui, c'est bien réalisé, c'est tout ce qu'on demande. Hein. Ça va pas chercher. Si vous voulez de l'action, bah vous allez voir ça. Voilà. Et ils se sont associés avec l'éditeur qu'on connaît bien, donc Valiant. Et ils vont faire une web série avec Ninjak qui va se battre contre tout l'univers Valiant. Et on pensait qu'il y aurait qu'une. Ninjak quoi Ninjak. C'est qui ça Ninjak? C'est l'espèce de ninja technologique qu'il y a dans Valiant. Il s'appelle Ninjak? Oui, il s'appelle Ninjak. Ah bon, bah j'ai oublié, excusez-moi. Je vois la tête maintenant. Mais... C'est pas celui qui est tout blanc, c'est celui qui a une cagoule et tout. Ouais. T'as pas lu, j'ai pas acheté. T'es sûr qu'il était pas dans le event que j'ai lu là où il y avait tous les personnages? Si, il est dedans. Il est dedans, mais ouais. Je me rappelle pas qu'il s'appelait Ninjak. Si, il s'appelle Ninjak. C'est très con comme nom, excusez-moi. Mais... Bah, ça dépend, c'est un ninja qui s'appelle Jack ou. Non, c'est pas ça. C'est un ninja, ouais. Et je sais pas s'il s'appelle Jack. D'accord. Mais c'est un ninja. Bon, c'est potentiellement con comme nom alors. Et donc on pensait qu'il y aurait que lui, mais non, il n'y aura pas que lui, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de héros de l'univers de Valiant qui allaient apparaître dans cette série, puisqu'on a vu des photos avec Linewire, XO Manowar, donc Ninja, Bloodshot, donc, que tu connais peut-être un peu mieux, et Archer et Armstrong, donc voilà, c'est cool, on va le voir avec plein de monde de l'univers. Il y a la chèvre. Il y aura peut-être. Bah, s'il y a. Ah non, parce que c'est quand tu mets. Ouais, mais je demande, moi, il y a que ça qui m'intéresse, la chèvre. Est-ce qu'elle est... Je pense pas qu'il y aura. Parce que s'il y a un match Ninja contre la chèvre, je regarde. C'est le meilleur perso du monde, cette chèvre. Donc, pour les gens qui ne savent pas, la chèvre, c'est un personnage qu'il y a dans Quantum et Woody, qui est une autre série de Valiant. Et en fait, c'est où ces deux mecs. C'est une série très très humoristique. Et c'est deux mecs qui ont des super pouvoirs et qui ont avec eux une espèce de sidekick, qui est une chèvre qui tire des lasers avec ses yeux. et c'est assez drôle. C'est le meilleur perso du monde, je vous dis. Ouais, bon, c'est un peu gimmick. Imagine une chèvre qui tire des lasers. Quoi. Oui, oui, mais c'est marrant, mais voilà. Et donc voilà, moi je trouve ça. Enfin, cette série elle a l'air sympa. En plus, Sony est en train de préparer des films autour de cet univers-là. Donc c'est cool de voir l'univers de Valiant un peu mis en avant. Parce qu'on parle beaucoup de Marvel, de DC. Sony, mais, tu ouais, je crois que c'est Sony qui prépare. Ça sent pas bon. Ouais. Amazing Spider-Man, c'est pas terrible. Ouais, on peut leur. On n'a rien vu encore, donc restons un peu confiants. Est-ce que autour de la table, tu connais l'univers de Valiant un peu? Pas du tout. Bartan, pas... Romain? J'ai feuilleté du X-Men Manowar, mais ça va pas plus loin. Ok, et bien, il faut en lire parce que c'est vraiment cool. Et Vincent, je crois que non, tu connais non pas plus. Du tout. Non. Voilà. Il faut lire des comics, c'est, tu verras, c'est mieux que Riverdale ou ce genre de trucs. Mais j'ai jamais dit que Riverdale c'était bien. donc voilà, j'ai fini mes news. J'avais envie de parler juste vite fait, mais je ne l'ai pas noté. En ce moment, vous le savez peut-être, c'est l'E3, donc le plus gros salon de jeux vidéo au monde, je pense. Oui, c'est ça. Et bon, il y a eu 2-3 trucs qui sont sortis, notamment du Star Wars, mais vu que je ne l'ai pas vu, je ne pourrais pas en parler. Est-ce que tu veux, vas-y, tu veux nous parler de Star Wars? Bah, en fait, ils ont répété ce qui avait été dit à la célébration, donc voilà, moi j'ai trop hâte d'avoir le jeu, on va pouvoir jouer Kylo Ren, c'est trop bien. Il y a eu des images en plus. Ouais, il y a des super images. On a vu des. Alors, ce qu'on n'avait pas eu à la célébration qu'on a eu là, c'est qu'on a eu des images in-game. Donc, on a vu un match et tout. Sur Naboo, en plus, c'était cool. Il y avait les droïdes de la Fédération, il y avait Dark Maul. Enfin, voilà, moi, ça me donne envie. Normalement, on devrait avoir un mode histoire, donc en solo. Mode histoire solo, ça devrait être cool. Il y a un roman qui va sortir bientôt, qui sera un roman préquel donc, au jeu. Okay. Et pour ceux qui ont fait la précommande, on va avoir droit à faire la bêta. On va. Elle a précommandé le truc. Donc, et ceux qui ont précommandé la super édition, trop bien, ils pourront jouer en avance, les bâtards, voilà. Ah, d'ailleurs, tu parles de super édition. Il y a, l'édition Blu-ray de Wonder Woman qui est sortie, l'édition collector. Déjà Non, elle n'est pas sortie, mais ils l'ont montré. Il y a une super figurine dedans. Bon, elle coûte 140 euros, mais la figurine est sympa. Donc peut-être qu'on la commandera, je ne sais pas. Ouais, mais 150 euros, voilà. Oui, ça fait cher le Blu-ray, mais on sait jamais. Et donc moi, à part Star Wars, je n'ai pas vu, mais y avait le jeu DBZ qui me hypait un peu, après le reste... C'est pas du comics, ça. C'est pas du comics, mais c'est du manga, donc on peut en parler un peu. Mais surtout... Non. Pas même origine. De quoi? C'est pas même origine. Oui, non, mais en même temps, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Ouais, Star Wars, c'était pas vraiment comics non plus. Il y a eu des comics, bien sûr, mais. Et puis, il y avait Marvel qui avait lancé le Mangaverse. Ouais, qui était plutôt sympa. J'avais découvert, c'était Agent X. C'était une espèce de refonte de Deadpool version manga. Et qui était vraiment, vraiment très marrant. Il y avait c'était un speedy aussi, comme ça. Dans ouais, un petit jeune avec un sac à dos et des mechas. Ouais, dans Agent X, je crois, ça travaille vachement la relation Spider-Man-Deadpool, c'est ça? Non. C'est plus avec Outlaw et tous les personnages secondaires, le maître de corvée, etc. D'accord. On le voit qui fait son entraînement de mercenaire. Ouais. Et c'est vraiment marrant, il tient un petit journal. D'accord, non, je me trompe en fait. Il y a un comics où Deadpool et Spider-Man se rapprochent. En fait, Deadpool doit prouver à Spider-Man qu'il est qu'il est un bon héros, quoi. Mais du coup, c'est pas celui-là, manifestement. Oui, et Deadpool mais se rapproche comme de Gambit, tu parles de Spider-Man, il y a aussi un trailer pour. C'est pas un trailer, c'est un extrait. C'est un extrait de jeu. Tu l'as pas vu encore parce que j'ai pas eu le temps de le voir. Donc, du jeu Spider-Man, du prochain jeu Spider-Man, je sais plus comment il s'appelle. Il a pas de titre, Spider-Man PS4. C'est Spider-Man. C'est fait par qui déjà? Insomniac Games, donc qui ont réalisé les Ratchet & Clank, Spyro, Sunset Overdrive récemment. Ok. Mais le jeu donne. Bon, ce que tu me disais, parce qu'on en a parlé avant qu'il arrive, enfin, avant que les autres arrivent. Ça fait beaucoup beaucoup penser à Batman Arkham. Ah oui, ça. Mais moi je trouve ça cool. Bah, de toute façon, c'est pas un mauvais modèle. Hein, même, tout le monde s'inspire de Batman actuellement pour faire ses jeux d'action. Parce que c'est la meilleure formule, tout simplement. Donc c'est 9 minutes de gameplay où on voit. Ouais. En train de tabasser des gens dans une. Dans une ça, en fait, ça dans un chantier en dans un building en construction. C'est après, ça. Il course une espèce d'hélicoptère. Bon, c'est pas une espèce d'hélicoptère, c'est un hélicoptère. Hein. Ça avait l'air extrêmement scripté. Oui. Il y a beaucoup de QTE. Bon, après, c'est pas forcément dérangeant. Enfin, parce que ça, c'est pas le genre de truc qui va revenir forcément à chaque fois dans l'émission. Là, c'est. Il essaye de capturer un hélicoptère, on se doute bien que. Voilà, c'est ça. Bon. Après, ce qui est toujours intéressant dans les. Enfin, ce qu'on veut faire dans un jeu Spider-Man, c'est de se balancer de toile en toile à travers les rues de New York. Ça a l'air plutôt très bien fait. Donc, c'est l'essentiel. Et même les combats, vraiment, on voyait bouger ici. Et les animations. C'est un Batman qui est assez. Enfin. Qui reste dans là et vraiment il va d'une poutre à une autre. Oui. Bon, cela dit, Batman il va il fait 90 mètres des fois pour coller un pain à deux personnages d'écart. Bon, ouais. Mais ouais, les animations de Spider-Man sont très sympathiques et il y a plus d'interactivité avec le décor qu'il n'y en a dans les jeux Batman, notamment ouais, avec il sa peut toile. Envoyer des trucs. Voilà, ouais. il y a une poutre, il va tirer la poutre, ça va l'envoyer sur les ennemis. Enfin, bref, ouais. Des interactions avec le décor est sympathique. Il n'y a pas beaucoup de. Ce qui me pose problème, moi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vannes. Enfin, après, c'est un truc en construction, ouais. Ouais. Mais c'est un des trucs marquants de Spider-Man, c'est que quand il se bat avec des gens, il fait beaucoup de vannes. Parce que le truc, c'est que ces vannes. Enfin, c'est pas comme un film, tu vois. Le film, les scènes d'action, tu vas en avoir une ou deux ou trois. Là, dans un jeu vidéo, les scènes d'action, tu en as constamment. Oui, à un moment, les vannes, elles vont se répéter, elles vont gaver, tu vois. Donc t'auras certainement des vannes dans le jeu, dans les trucs un peu plus scénarisés, mais c'est vrai. Si c'est une liste de vannes aléatoires comme les commentaires dans les jeux de foot, ça devient un peu lassant au bout d'un moment. Effectivement, vous n'avez pas tort. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est tout. On va passer aux sorties de la semaine. C'est dommage qu'il n'y ait pas Mathieu, parce qu'il aurait peut-être mis un peu plus de trucs, mais bon, c'est pas grave. On va aller vite. Alors, cette semaine, vous avez pas mal de rééditions des 20 ans. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, les rééditions de 20 ans de Panini, c'est les sorties avec des nouveaux. C'est des runs très très connus qui ressortent, qui sont réédités avec des covers d'artistes français. Il y en a qui sont sortis qui sont un peu moches. Et dans le lot, là, que j'ai vu, il y en a qui sont vraiment pas génial. Mais tous les runs sont des runs assez marquants. Donc. Je pense que si vous les avez pas, c'est les occasions de les choper. Alors il y a Electra Lives Again de Frank Miller avec une couve de Alessandro Barbugici. Donc et avec Vincent qui se fout de ma gueule ouvertement, ce n'est pas grave. Là la couve est pas mal par contre. Il y a un autre truc, c'est Daredevil The Man Without Fear de Frank Miller et de Romita Jr. avec une couve de Benjamin Lacombe. Ça aussi ça me hype pas mal. Vous avez un Punisher, donc Punisher Bienvenue Frank de Steve Dillon et Garcenis. Et je crois que le run de Garcenis sur Punisher c'est très très très bon. Par contre, la couve est très très moche. C'est Johan Svar et ça pique vraiment les yeux. Enfin, si vous aimez le style de Johan Svar, c'est du Johan Svar. Et il y a un truc de Wolverine de Chris Claremont et Frank Miller, donc c'est beaucoup Frank Miller. Hein. Et c'est une couve de Mathieu Loffray et elle aussi elle est pas superbe. Mais le run a l'air cool en tout cas, donc voilà, si vous avez envie... Est-ce que quelqu'un autour de la table a lu Non, pas du tout. Peut-être toi qui as un peu plus de... Non, je suis beaucoup moins Marvel. J'ai lu pas mal de runs, mais pas cela. Alors moi, par mon nom d'Amérique si tu veux, je connais celui sur Elektra qui était vraiment pas mal, parce que j'aime bien le perso d'Elektra, donc j'étais à lire. Ah, peut-être que je l'achèterai, peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine. Daredevil, c'est The Man Without Fear. C'est le run qui a inspiré la première saison de Daredevil, non? Peut-être. Il me semble. Je crois. Et c'est à combien tu me disais? C'est à 16€ tout ça. D'accord. Et par contre, Romita Junior, c'est très moche, donc ne prends pas le Daredevil. À moins que tu aimes beaucoup, faut aimer Frank Miller, donc les trucs un peu bas du front et mal dessinés, parce que c'est Romita Junior qui dessine. Après, c'est une question de goût, tout ça c'est subjectif. Un autre comics dont j'aimerais bien vous parler dans l'émission, c'est Stranger in Paradise qui ressort en intégrale chez Delcourt. Donc c'est le comics très très très très connu, bon, pas autour de la table, je pense, mais très très connu de Terry Moore. C'est une œuvre culte qui est enfin réédité dans son intégralité, avec une édition qu'elles ont fait en collaboration avec l'auteur, donc c'est pas mal. Et pour les gens qui ne sauraient pas, alors je vais vous pitcher le truc. Alors Kachou est une jeune femme à la vie plutôt rangée, elle est intelligente, indépendante et très fantasque. Elle est aussi très amoureuse de sa meilleure amie, Francine, mais un jour, Kachou rencontre David, un jeune homme gentil et prêt à tout pour gagner le cœur de la jeune fille. Rien n'est simple, mais plus qu'un soap opéra, Stranger in Paradise se révèle très vite un thriller très haletant. Donc là, le pitch donne peut-être pas envie. On dirait Plus belle la vie, toi, en tout cas. Non, non. Bah oui, mais c'est du slice of life, donc forcément... Mais les noms, il faut pas donner d'autres noms, c'est ridicule. Francine, quoi. Cachou, on dirait Cachou, parce qu'elle s'appelle... je crois qu'elle est tchèque. Elle s'appelle Katina... Et son nom, ça commence par chou quelque chose. Bah pourquoi ils l'ont fait check le... aussi. Mais t'es sûr que ça a pas un rapport avec Class Mannequin? Non, mais c'est un... ne critiquez pas, c'est un run très très très connu. Bah, d'ailleurs, pour les gens qui connaissent ce site, le Lesbian Geek, donc de la personne qui gère le TGS, donc Kachou, justement, qui a pris ce nom-là. À cause de cette... À cause de ces trucs. C'est un truc qui est très très connu, surtout dans le... chez les LGBT, parce que c'est très très connu pour ça, parce qu'il y a une relation lesbienne. Et bah voilà, ça a l'air très cool. J'ai lu le premier tome cet après-midi, et c'est assez sympa. Donc voilà. Je verrai si on en parle. Et le deuxième truc dont je voulais vous parler aussi, c'est Russian Olive to Red King, de chez Aki Eleos. Et j'ai pas dit Stranger in Paradise, c'est le premier... bon, le premier intégral est à 40 euros. Voilà. Ok. Si vous voulez... C'est un investissement. Pour plus belle. Ouais, mais c'est un gros truc. Elle critique alors qu'elle. Je suis sûr que je suis désolée. Le résumé il donne pas envie, quoi. Oui, bah. Qui a fait ce résumé? C'est le résumé de Delcourt. Eh ben Delcourt, faut virer la personne qui fait le résumé. Alors bon, moi je vous parlais de Russian Olive to Red King, qui sort chez Aquilos pour 19 euros, de Catherine et Stuart Timonen. Et Je l'ai connu. Ouais, tu connais surtout Stuart Timonen, ouais. Parce qu'il était sur X-Men. Donc, je vous dis encore une fois le titre, encore le pitch, c'est pas moi qui l'ai fait, donc ne critiquez pas le... Alors, Russian Olive... De toute façon, même sur Geek en série, tu fais pas les pitchs, alors... quel enfoiré, c'était vraiment... Oh, le méchant. Alors, Russian Olive to Red King, c'est une histoire d'amour qui n'est pas romantique, une histoire de fantôme qui ne fait pas peur, c'est aussi une histoire sur la mort et l'absence, mais c'est surtout un voyage envoûtant et éthéré à travers un paysage d'émotions et de sensations. Donc, voilà, c'est... Ça on dirait pas trop, descriptif pour une mousse au chocolat, quoi. Les laitières présentes. En fait, c'est la dernière fois que je t'invite dans. c'est chez Aquilos pour 19 euros. Et je pense qu'on va en parler parce que Juni, quand je lui ai dit les titres qui sortaient, il a dit qu'il chercherait. Ça se trouve, le héros il s'appelle Boris parce qu'il est russe. Mais ouais, je crois que c'est vraiment un truc. C'est vrai, c'est Boris. Non, c'est pas russe. C'est pas. Le mec s'appelle pas Boris, mais c'est deux gens qui sont russes. Donc voilà. Et le dernier petit truc. Sliver chez Glénat Comics pour 18 euros de Stephen Frank. Et Stephen Frank, c'est quelqu'un qui a bossé dans l'animation. C'est quelqu'un qui a bossé sur le Géant de Fer, donc pas n'importe qui, et qui a aussi bossé sur. Je crois qu'il a co-créé une série d'animation que tu n'aimes pas trop. Ça s'appelle Bernie et putain merde. Le truc avec un chien et un gamin qui passe sur. Corneille et Bernie. Voilà, ouais, Corneille et Bernie. Ouais, j'aime pas trop. C'est moche. Ouais. Bon, il a co-créé ça avec son frère et maintenant il a voulu passer au comics, enfin à la BD, mais du coup comme il est plus lié avec le comics, il a voulu sortir en format comics et ça va sortir chez Glénat. Et c'est une histoire une histoire un peu dans un univers pulp avec des vampires et des gens qui font des... Tu vas rigoler au moins de mes pitchs. Bon, on va passer, donc ça a l'air pas mal, je pense que je l'achèterai et on en parlera peut-être dans l'émission. Et on va passer à la suite. Thank you. Donc après cette première pause musicale, j'ai pas décidé qu'est-ce qu'on mettra comme musique. Donc on je ne sais pas encore. À la queue leu-leu. Non, on mettra pas à la queue leu-leu. Tiens, mais est-ce que tu veux choisir Bertrand ? La danse des canards. La danse des canards, j'ai. Ouais. Non, tu choisiras pas Bertrand, c'est pas grave. Donc on va vous parler de Wonder Woman, le film de Patty Jenkins avec Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright et merde, comment s'appelle celle qui fait sa maman ? Robin Wright. Ouais. Ah, celle qui fait sa mère, Connie Nielsen. Connie Nielsen. Donc, on va faire un petit tour de table avant de parler vraiment de pendant que Vincent est en train de refaire ses notes. Arros. Gal Gadot, oui, c'est Gal Gadot. Gal Gadot, oui, c'est pareil. Pour un chiffre, on s'en fout. Pour un chiffre, c'est. Et parle dans ton micro quand tu parles. Donc, on va faire un petit tour de table, savoir comment vous vous positionnez dans l'univers de DC, enfin le DCverse cinématique. Qu'est-ce que vous avez pensé des films avant ? Quels sont vos films préférés ? On ne parle pas de Wonder Woman pour l'instant, on reste en dehors de ça. Et après, on va partir sur Wonder Woman. On va commencer le tour de table, pas par Faye, parce qu'elle parle trop. Donc, c'est Romain qui va commencer. Rien dit. Alors, vas-y. On commence du coup par Man of Steel. Ouais, ou même dans tout l'univers, qu'est-ce que tu as préféré après Dans tout l'univers, il y a 4 films. Hein. Ouais, non, des films d'ici, il y en a plein. Ah non, tu veux dire, ouais, avant, d'accord. Non, oui. Ouais, mais ils sont pas raccrochés au. Oui, non, mais je veux dire, comment. Est-ce que tu kiffes l'univers de DC ? Est-ce que c'est ton. Ah bah, à la base, c'est. Je pense que DC en France, on est plus habitué, historiquement, grâce en à comics, la série. En comics, non, c'est le contraire. Pas en comics, mais au cinéma du grand public. Ah, oui, oui. C'est, je pense que largement Batman y domine avec la série animée. C'est ce qui a fait le plus connaître les comics en France pour moi, je pense. Oui, le film de Burton aussi. Après, bien sûr, la trilogie de Nolan qui était, Ça vraiment super. Ça, j'ai vraiment adoré. Et le 3 ? Les trois. Okay. Les trois. Et ce que j'ai aimé, c'est que pour Nolan, il est parti pour faire pas un film de super-héros, mais il a tout ancré dans le réel. À chaque fois, on va chercher des objets, les gadgets, on leur donne une explication technologique. Il décrit son matériel, etc. C'est très pointu. On voit le. Et du coup, c'est vachement intéressant. Après, il y a eu Man of Steel. J'ai adoré Krypton. J'ai adoré une bonne partie. J'ai adoré une bonne partie du film. Voilà. Ouais. Mais pas la fin. Je trouve que c'est long, les coups de poing, et au bout d'un moment, trop de coups de poing. Ah ouais, moi c'est ce que j'ai kiffé dans le film. Enfin, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, après la suite. Après Batman, Superman, j'ai beaucoup aimé, malgré quelques petites pirouettes scénaristiques. Bah, c'est pour faire avancer le scénario, mais bon. Est-ce que tu as vu la version longue ? J'ai pas vu la version longue, mais. Tu vois la version longue, tu verras les pirouettes scénaristiques sont plus adoucies, j'imagine. Ouais, il y a des trucs en plus dedans. Mais moi, j'ai vraiment adoré. J'étais vraiment étonné de Ben Affleck. Ouais, je trouve que sa scène de combat, en dehors de celle de Superman, était super crédible, était super bien foutue. Et voilà. Et après, bon, bah, Suicide Squad, on en parle. Non, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. Suicide Squad n'existe pas. Il est pas, il fait pas partie. Oui, il fait pas partie de l'univers. Il est non. Il est voilà. La poubelle. Bertrand. Alors, je sais que je vais me faire taper, mais je suis dans un inconditionnel de Batman Forever et de Batman et Robin. Comment tu peux ? Comment tu peux ? Uma Thurman dans Poison Ivy, ça vaut tout. Oh non. Désolé. Mais Bane. Mais non, mais oh, mais c'est parce qu'il y a un truc mauvais. Ah, mais c'est du. Il y a un truc mauvais, la Bat Credit Card. Arnold Schwarzenegger. Bah, mais c'est du nan. C'est très drôle. La Bat Red du cul. Mais c'est. Bah, alors, du coup, regardez la série de 66 parce que c'est exactement pareil. Hein. Ah, bah, si. La Batmobile Tuning. Bah, non, mais c'est des blagues en plus à. Toutes les 5 minutes, il y a une punchline de blague. Bah, c'est du nanar quoi. Tu l'as revu il y a pas longtemps. Oui, je l'ai vu il y a pas. Je l'ai revu l'année dernière, mais. Enfin, toutes les blagues Mr. Freezer. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est mieux en français parce que les blagues elles sont encore plus cons en fait. Oui. Quoi. C'est ça, c'est mauvais, mais tu te marres en fait. Mr. Freeze, t'es gelé, enfin c'est. Ouais. T'es givré. T'es givré, c'est ça, ouais. Ça vaut toujours du bon. D'accord. Et Nolan, du coup. Ouais. Alors, bah, justement, je vais être un des rares. Parle plus dans ton micro. Je vais être une des rares personnes qui a pas aimé les personnes de Nolan parce que. Pour moi, c'est pas assez super héroïque. Ah bon ? Enfin, je trouve que c'était trop. Enfin, il se trifouillait trop l'esprit. Je voulais voir un Batman et j'avais limite. enfin une sorte de biopic un petit peu. Je dis pas qu'il était nul, je le regardais avec plaisir. Ouais. Mais j'ai pas, je le regarderais pas. Mais Batman en comics, c'est vachement ça. Hein. Si oui, c'est vachement. C'est peut-être pour ça que de base, je suis pas un apprécié de Batman. Ah ok. Et du coup, Man of Steel. Bah aussi, j'ai beaucoup aimé avec. Pareil pour BVS, et bon bah Suicide Squad, bah, on parle pas. D'accord, comme tout le monde. D'accord. Bon, Vincent, même si tu mérites pas d'avoir la parole. Moi, pendant une bonne partie, pendant très longtemps, j'ai été plus Team Marvel parce que j'ai commencé avec le Spider-Man de Sam Raimi, qui est l'un de mes films préférés, et même si j'aime moins le 2 et le 3 par la suite, mais bon, et les X-Men. mais après, il y a eu les Batman, notamment ceux de Nolan, qui font partie de mes films préférés. J'adorais, comme Romain, le fait que ce soit vachement plus ancré dans la réalité. Par exemple, la Batmobile, je trouve que c'est l'une des Batmobiles les plus dégueulasses qui a été faite, mais ça justifie parce qu'en fait, c'est la fonction. La Batmobile tuning. Je vais y revenir. C'est dans The Dark Knight, c'est la fonction de la Batmobile qui définit son design en fait. Et ils l'ont vendu à l'armée. Oui, Romain dit qu'ils l'ont vendu à l'armée ensuite le design. Donc voilà, j'adore les Batman de Nolan et j'aime également, je préfère les Batman de Schumacher à ceux de Tim Burton parce que si les Batman de Tim Burton. J'aime pas les Batman de Burton. Les Batman de Tim Burton, ils ont une esthétique sympa, mais je trouve qu'on se fait grave chier dessus. Bon bah très très très rapidement, The Man of Steel tout court, j'ai bien aimé mais comme Romain je trouvais que ça se tire un peu en longueur, à un moment les scènes d'action t'en as un petit peu marre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cela dit du coup, c'est finalement le film Dragon Ball Z qu'on a tous eu envie de voir un jour. Ouais. Quoi, parce que, c'est exactement ce que j'ai pensé. qu'est-ce que je veux dire? Ensuite il y a eu quoi? Batman vs Superman. Bah moi j'adore, c'est mon film du DC Extended Universe, je préfère. Suicide Squad, comme tout le monde, j'ai pas aimé. Voilà. Il y a des gens qui aiment. Hein. Enfin, Suicide Squad, on pourrait mettre. Il a eu un Oscar, ce Batman con, Forever, ouais. Hein. Non, la connerie. Hein. Ah, moi, c'est. Ouais. Bon, vas-y, parle. Tu, moi oui. Ah, bah, moi, je suis fan des films de Tim Burton. J'aime l'esthétique, la noirceur. On retrouve les thématiques de Burton. Et puis, j'aimais bien ce qu'il avait fait sur le Joker, sur le Pingouin, sur Catwoman. Alors. C'est des bons films de Burton, mais c'est pas des bons films de Batman. Bah, moi, j'aime bien. C'est le Batman que j'aime bien sombre. J'aimais beaucoup la série. Bien sûr, Le premier, c'est un film du Joker, c'est pas un film de Batman pour moi. Ouais, c'est vrai aussi qu'il rassure. Mais bon, le moi, second, j'aime c'est bien. Un film moi, pour moi, Michael Keaton, pour moi, c'est un des meilleurs Batman que j'ai vu. C'est mon avis perso. Après, bon, ben le reste. Je préfère dans Birdman, par exemple. Ah je préfère dans Birdman. Ouais, bon, c'est pas pareil. Après, le reste, vite fait, bon, bah voilà, les Batman, moi, je le regarde parce que ça me fait rire. Les Nolan, ouais, j'aime bien. J'ai pas non plus. T'as moins aimé le 3, non? Non, enfin, c'est pareil les trois. Après, ce que j'aime bien, c'est l'interprétation du Joker dans le 2 parce que vraiment, ouais, Ledger était excellent. Voilà, Bane dans le 3, pareil, très bien. Le petit là, comment il s'appelle, Tom Hardy. Tom Hardy, voilà. Après, Man of Steel, j'ai bien aimé parce que ça change un peu la vision de Superman, qui est un super héros que je déteste, à qui je mettrais des baffes par plaisir. Mais là, on avait vraiment un personnage qui était plus humain, qui était plus sympathique, on avait vraiment de l'empathie. Donc voilà, après le film n'était pas parfait. Et Batman versus Superman, j'ai bien aimé, c'était sympa. Voilà, enfin non, franchement c'était bien, c'était réfléchi, ça change de ce que nous montre Marvel, donc ça fait du bien. Et Suicide Squad, et ben, voilà quoi, c'est le Will Smith Show. Alors, moi je pense que vous l'avez compris au fur et à mesure de ces 35 émissions, tout mon amour pour le DCverse, que je suis un fanboy DC, je le resterai pour toujours, je pense. Je suis très très fan des films de Nolan. Après, j'aime bien. Je sais les Batman de Burton, c'est des films que je regarde avec plaisir, mais c'est pour moi c'est pas mon Batman. Et les films de Schumacher, voilà quoi. On va passer à autre chose. Donc moi j'ai kiffé. BVS, c'est un de mes films préférés. Je trouve que Ben Affleck est le Batman. Il arrive à C'est un des seuls qui arrive à incarner complètement Batman et Bruce Wayne en même temps. J'ai vraiment kiffé le film. Man of Steel, c'est le film qui m'a fait kiffer Superman parce que j'aimais pas trop Superman. C'est pas un personnage qui me parle beaucoup. Et je trouve vraiment dans Man of Steel, là vraiment, ça m'a parlé, ça m'a aidé, c'était cool. J'attendais beaucoup Wonder Woman, mais peut-être un peu trop. Et ça va être la question que je vais vous poser. Qu'est-ce que vous attendiez de Wonder Woman? Et au final, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dernier petit tour de trame, on va commencer par Faye. Oui, bah moi j'attendais de pas être déçu parce qu'après Suicide Squad, voilà. Et puis j'avais envie de retrouver un peu la super-héroïne que j'aime bien depuis petite. Donc comme je disais, moi je connaissais plus par la série télé. Après, j'ai lu quelques titres. Donc voilà, bah, j'attendais de voir ça. Et puis au final, bah, je suis assez contente. J'ai trouvé l'héroïne attachante tout en étant super badass. L'histoire, il y a de bonnes scènes d'action, c'est sympa. Il y a juste la fin qui me dérange, mais on en parlera plus tard. Vincent, tu tiens le micro. Non, tu parleras plus après, ce sera bon. Moi, j'attendais d'être surpris. J'attendais de prendre des claques visuelles, déjà des scènes d'action bien réalisées. Et ouais, après un Suicide Squad qui était vraiment, vraiment pas terrible, j'attendais à ce qu'il relève le niveau et que ce soit plus du coup au niveau de Batman v Superman. Et j'étais curieux de voir le premier film sur une super-héroïne depuis Catwoman. Non mais non, il y a le film. Voilà, top, non, j'étais très curieux de voir les messages féministes qui allaient être déployés dans le film et comment ça allait être fait. Et voilà, j'étais plutôt satisfait quand même. Ok, Romain. Moi, j'attendais de voir un film d'essai qui soit apprécié du public, qu'on arrête de voir un film d'essai se faire descendre. Un film d'ici, un film d'essai. Un film d'arrêt d'essai, tu vois. J'attendais voilà, un film d'ici qui se fasse pas cracher dessus pour rien, ouais. Comme l'a été injustement BVS. Et il fait le boulot. Alors que voilà. La BO de Suicide Squad est en train de passer dans le bar. Parce que j'ai pas dit, on a la Game Taverne. Et qu'est-ce que tu attendais de Wonder Woman? Enfin, qu'est-ce que tu connaissais de Wonder Woman en dehors de... Je connaissais surtout à travers la Justice League, ouais. À travers aussi Aquaman, puisque c'est son cousin. Il le présente comme ça dans Aquaman, en tout cas. Dans le comics Aquaman, il le présente comme un cousin, enfin, cousin éloigné. Ils ont des racines. Oui, ouais, bah, oui, Atlantide. Voilà, ils ont leurs racines grecques, voilà, et puis ils se traitent de cousins dans le comics. C'est dans quel run ça? C'est celui de Jal Jones? C'est dans New 52. Ouais, celui de Jal Jones. Ouais, voilà. Il est bien celui-là. Aquaman dessiné par Pelletier. Moi j'ai lu le début de Ivan Reis. Oui, c'est Ivan Reis. Il est repris par, je crois, Pelletier. Je sais plus. Ah, c'est Pelletier après, peut-être, ouais. Je sais plus, en tout cas, il est. Ils ne restent pas en entier dessus. Ils sont cousins et dans Flashpoint ils couchent ensemble, non? Ouais, mais Flashpoint c'est un autre univers. Ouais, bah ils sont peut-être. Mais bah t'as le droit de niquer avec ton cousin si t'as envie, hein. Ouais, mais bon. C'est un autre degré. Il y en a un, c'est un descendant de. Ouais, c'est des cousins éloignés, quoi. Voilà, ouais, c'est... ça va. On peut se permettre. Cousin, ça la gêne pas, hein. Voilà, du coup, j'attendais voilà, que DC Comics récupère ses lettres de noblesse. Mmh. Et voilà, c'est un film de super-héros, je pense que j'avais un peu trop regardé de gens qui étaient hypés sur internet pendant la sortie du film. Ok. Mais voilà, ça reste un bon film d'action. Bertrand. Bah, moi j'attendais surtout de passer un bon moment au cinéma, surtout devant un DC. Un peu plus retrouvé à quelque chose un peu plus humoristique que les autres, même si c'est pas forcément la marque de fabrique de DC, mais un peu plus de blagues par-ci par-là. Ah, tu voulais du Marvel en fait? Non, non, je j'aime quand c'est sérieux, mais ça mange pas. Le de film pain. Est drôle, hein. Enfin, oui, il y a, le film il y a... est drôle, donc c'est très bien. Ouais. Mais c'est une petite blague par-ci par-là, ça mange pas de pain, c'est toujours bien. Ouais, parle bien dans ton micro. Désolé, oui, je parle dans le micro. Je disais donc qu'une blague par-ci par-là, c'est pas dérangeant, c'est ouais. Toujours mieux. Et du coup, qu'est-ce que t'en as pensé au final? Je suis mitigé, enfin, c'est un bon film. Je trouve qu'il bon moment. Il respecte bien le personnage de base. Après, il y a 2-3 trucs que j'ai relevés qui sont un peu bizarres, un peu des choix artistiques, un peu douteux, je trouve. Et un peu. Donc là, il y a de l'humour, mais pas forcément celui-là, donc je suis client, donc j'étais un peu perturbé, ça le problème. Ok. Bon, bah, on a fait le tour. Moi, qu'est-ce que j'en pensais? Bah, moi, je pense que j'ai eu un problème, c'est que. Peut-être qu'il écoute le podcast, il se reconnaîtra, Maxime. Mais je suis allé le voir avec lui la première fois. Je voulais le voir avec Faye, mais il n'était pas disponible. Du coup, j'ai passé l'après-midi avec lui. Et lui, il l'avait déjà vu. Et pendant toute l'après-midi, il m'a dit « Le film est trop bien, le film est trop bien, le film est trop bien, le film est trop bien. » Il n'a pas arrêté de me répéter ça. Et sans trop m'expoler. Et moi, dans ma tête, je me suis dit « Mais putain, mais en fait, ça va être le meilleur. » Enfin, je ne sais pas pourquoi, je me suis monté tout seul. Et je m'attendais au meilleur film de tous les temps. Et au final... en fait, je voulais revoir du Snyder, mais par quelqu'un d'autre. Et je ne sais pas ce que j'ai eu. Et ça change le Snyder. Enfin, fallait changer de Snyder, mais il manque ce souffle. Enfin, on en parlera après. J'ai passé un bon moment quand même. Hein. Le film est cool. En VO d'ailleurs, je l'ai vu en VO la première fois. Parce que j'ai vu le film deux fois. Et la VO est vraiment mieux. Enfin, c'est pas très étonnant en même temps. Et bah ouais, je passais un bon moment, mais il y a 2-3 petits trucs qui m'ont dérangé, dont on parlera plus tard. Donc, on va passer sur le casting avec Gal Gadot, Robin Wright, l'autre dont j'ai oublié, celui qui fait sa maman, j'ai oublié. Connie Nielsen. Connie Nielsen, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Saïd Tekmaoui, Chris Pine, et je c'est les seuls. Lupin, exactement. Donc, c'est qui son. Comment s'appelle? C'est David Telvis, me semble-t-il, ouais, voilà. Non, si je pense bien. Peut-être. Donc voilà, moi je trouve que le casting est vraiment cool. Je sais que bah, Axel devait venir, enfin Axel de Dernier Créneau devait venir aujourd'hui. Je sais que lui par exemple il a trouvé que Gal Gadot n'était pas bien casté. Moi je trouve vraiment ils ont fait un superbe choix. Je trouve qu'elle incarne vraiment, enfin elle fait vraiment Amazon. Déjà elle est vachement grande, elle est un peu musclée. Elle incarne vraiment bien la Wonder Woman que moi j'aime dans les comics. Je trouve qu'elle est vraiment badass, elle arrive vraiment à être badass. Elle arrive à... c'est pas une actrice. Ça sent que c'est pas une actrice. Elle est pas... C'est pas là qu'ils sont... Bah, elle a peut-être pas beaucoup d'expérience. Ouais, voilà. Mais moi, je trouve que c'est bien parce qu'elle arrive vraiment à faire qu'on s'attache au personnage. Ouais. Elle est vachement attachée. Et en même temps, on y croit dans les scènes d'action. On y croit qu'elle sait y faire, quoi. Ouais, et elle arrive rare, à être émouvante les moments où il faut l'être, quoi. C'est ça que je trouve des fois dans les films de super-héros, justement, on n'a pas ce côté... attachant, ce côté humain, c'est toujours genre le mec derrière le masque en permanence et genre regardez comme il est fort. Si, si on peut la peut-être enfin, les deux héros sont vraiment ne se ressemblent pas du tout, mais moi je trouve pas un peu, c'est un peu une Star-Lord du elle a ce côté là un peu, tu vois, magnétique et attirant, ouais. Et sympathique. Non, moi je comprends pas. Tu vois, moi ce qui m'a fait rire, c'est que c'est un peu une princesse Disney, mais badass sans les défauts. Il y a plein de scènes, genre par exemple une scène du début, on le voit dans la bande-annonce, donc c'est peut-être pas un spoiler. Ouais, quand elle sauve le pilote, il y a une scène où il est sur la plage, où il est machin. Et la façon dont c'est cadré et tout, ça m'a fait penser à la petite sirène. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé ça cool parce qu'ils reprennent des images qu'on donne aux petites filles en disant ah, c'est des modèles et tout, alors que c'est des. Attention, je vais dire un gros mot, c'est des grognasses débiles, je peux pas les saquer. Et là, en fait, on a une fille qui est intelligente, sensible, forte, qui, même dans les épreuves, voilà, elle essaye de trouver une solution et en même temps elle est naïve parce que elle était bloquée sur son île, elle croit que tout est beau, tout est joli et elle le joue super bien, tous les contrastes, on voit comment elle apprend la vie et tout, et c'est pour ça que pour moi je dirais que c'est un film Disney mais fort intelligent, c'est les modèles qu'on devrait donner aux petites filles, c'est une princesse qui plus est en plus, ouais. Ouais. Et il y en a qui critiquaient le fait que voilà, on a encore pris une Miss pour incarner Wonder Woman, mais c'est normal, enfin, bah, je dis, en plus celle de la télé c'était une Miss America aussi, hein. Et, oui, et puis s'ils avaient pris une actrice moche, du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être soit forte et indépendante etc et moche, enfin tu peux pas être à la fois belle et forte, quoi. Ouais, ouais, non, et puis ben du coup elle est top modèle, c'est ça? Elle est Miss, donc ouais, elle était, c'est une ancienne Miss, et puis elle a fait l'armée aussi, ouais. Du coup moi l'une des scènes qui m'a le plus marqué, c'est quand on la voit dans son costume pour la première fois, et qu'elle défile sur le champ de bataille en train d'esquiver les balles, enfin de parer les balles avec ses bracelets. Dans la bande-annonce, ça rendait moche, mais en fait, dans le film, ça rendait trop classe, quoi. Ouais, j'étais à fond. Cette scène est grande. Et puis, au niveau casting, Robin Wright, alors j'étais tellement contente de la revoir. Je m'en fous. Ouais, mais est-ce qu'il faut en parler parce qu'elle est belle? Excusez-moi. On en parlera après. Oh, excuse-moi, je t'ai volé la parole sur la petite Wonder Woman. Oui, il y a que... Oui, et même Vincent, il a donné son avis sur... Tu n'as rien d'autre sur la petite... Non, moi, je l'ai trouvée très convaincante et j'ai beaucoup aimé Gal Gadot. Ouais. Ok. Romain ? Pareil, moi, j'ai trouvé que Gal Gadot dégage la grâce qu'on attend de Wonder Woman. Des fois, on la voit... quand on voit le reste du casting, surtout quand elle est en dehors de Themyscira, on voit que les autres sont à distance d'elle. Et vraiment, c'est ça. Elle est intouchable. C'est la reine des Amazones. Et voilà, la princesse, elle n'est pas reine encore. Oui, elle n'est pas encore reine à ce moment-là. Et je trouve que c'est bien fait. On voit que, comme elle dit, les autres, ils ne sont pas à la hauteur d'elle. Et ouais, ça se voit. Il y a une distance et c'est bien fait. Bertrand. Bah moi, je t'avouerais que Gal Gadot, oui, elle est très belle. C'est Chris Pine. Moi, dès que j'ai vu qu'il y avait Chris Pine dans la bande-annonce, j'ai dit oui tout de suite. Hein. J'ai voulu aller le voir. Non, mais il est très, très bien. Le casting est bien. Pas de soucis, juste à part un problème de moustache, mais on en parlera plus tard. D'accord. Bon, bah, comme tu parlais de Chris Pine, tu peux enchaîner sur Chris Pine. si tu en as envie. C'est un bon acteur de base. Hein, moi, je l'aime bien. J'aime bien tous ses films. Il joue bien. Enfin, après, c'est Chris Pine. Oui, il fait un bon script avant. Il fait bien le sidekick de. C'est ça. En plus, il est assez drôle. Puis, ouais, je trouve qu'ils se débrouillent bien. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que souvent, quand on essaie de faire des films avec une héroïne, ils essaient de faire genre le mec potiche qui sert à rien, un peu comme on fait, tu vois, l'inverse en général. Et là, je trouve qu'ils arrivent à bien s'équilibrer. On n'a pas vraiment de différence, on a l'égalité. Ouais. Ça fait du bien. La relation est bien. Ouais, bien, la relation était sympathique. Bon, par contre, il y a des petits défauts, ça en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais sinon, non, il était sympathique, bien. Et Vincent, pendant que tu es en train d'écrire, qu'est-ce que tu as pensé de Chris Pine? Qui ressemblait beaucoup à Raphaël de Cinémascope. Pas du tout. Alors là, pas du tout. Non, moi j'ai bien aimé, mais rien de notable de particulier à dire sur lui en fait. Mais j'ai bien aimé. Voilà. Oh, bah. Non, c'est pas toi. Moi j'ai bien aimé globalement. C'est... Ok. Ouais. On va faire tous les personnages secondaires d'un coup parce que sinon ça va être trop long. Et Faye a envie de parler de Robin Wright. Donc on va parler de Robin Wright. D'ailleurs, ça a été dit que Robin Wright et Machine, dont j'ai encore oublié le nom, Connie Nielsen, reviennent dans Justice League. Ça a été annoncé. C'est pas un peu du spoil ? Bah non. Non. Mais bon. C'est étonnant. C'est étonnant, mais c'est pas du spoil. Ouais. Donc ils reviennent et apparemment le côté sœur va être plus mis en avant, le côté badass des deux personnages va être plus mis en avant. Donc. Non mais Robin Wright, je lui dis exceptionnel. C'est Princess Bride quoi. Mais toutes les Amazones, elles sont cool. Je m'en fous, c'est Princess Bride, c'est trop bien. Parce que là, dernièrement, on avait pu la revoir dans la série House of Cards. Elle est géniale dedans, d'ailleurs. Mais là, mais vas-y, elle déchire tout. Faut un film que sur elle, quoi. J'ai vu une image amoureuse, quoi, c'est bon. J'ai vu une image qui était pas mal où tu voyais Hippolyta, donc Robin Wright, qui soulevait, comment il s'appelle, le mec de Princess Bride. En fait, elle le soulevait, elle l'avait dans ses bras. Le pirate Robert. Le pirate Robert, ouais. C'est, l'image est assez cool. Les Amazones. Mais... Oh, la mère de Wonder Woman a été bien aussi. Après, les autres, bah, c'est des Amazones, quoi. Mais ça manquait Xena, quoi. Moi, j'aurais voulu voir Xena. Mais on s'en fout de Xena. Bah, elle était bien avec eux, tu vois, ou Gabriel. Gabriel était avec des Amazones. Romain, qu'est-ce que t'en as pensé des Amazones et de... Les Amazones, j'ai trouvé que le casting était vraiment bien. Voilà, on voit, ça fait vraiment bien le boulot. Elles sont toutes magnifiques. Et puis, elles sont toutes guerrières. Les costumes sont justes aussi. C'est bien fait. C'est pas du plastique. Ça fait vraiment armure, quoi. Ouais, ça fait. Voilà. On a évité le gros écueil. J'ai vu les images de la série Wonder Woman qui a été avortée en 2011, oui. Où c'était les jeans moulants en plastoc et voilà, tout en sky. Bah, non, même Xena, enfin, à l'époque, les costumes étaient moches. Xena, c'est quelque chose de particulier, tu vois, c'est Sam Raimi, c'est le style de Sam Raimi, puis voilà. C'est beau, c'est magnifique. C'était moche. Enfin, je trouve que ça. C'était vraiment bien. Bien fait. Voilà, ok. Puis, rien à dire là-dessus. Vincent ? Oui. Les Amazones, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai pensé que... Non. Si tu critiques Robin Wright, fais gaffe. Hein. Ah non, mais j'adore Robin Wright. Bon, ça va. Ah non, mais dans son card, elle est géniale dans son card, et là, elle est aussi géniale. Elle a quoi, 50 ans en plus, cette actrice ? Elle est magnifique. Elle les fait pas. C'est à 50 ans que je suis comme ça, mais je suis la fête. Pareil que Chris Pine, j'ai pas grand chose à dire sur les Amazones en dehors du fait que je les ai bien aimées. Je trouvais qu'elles crevaient assez vite quand même. Vas-y, c'est parti. Non, mais je dis pas qui est mort, mais il y a plusieurs Amazones qui meurent sur l'affrontement qu'il y a. Voilà. Elles se prennent des balles en même temps, tu voulais qu'elles. Bah ouais, mais je sais pas, c'est des Amazones quoi, elles sont pas un peu plus. Bon, je sais pas. Non. Bah non, justement, il y a que. Ça fait partie des petits points. C'est pas ça que t'as pas compris. Enfin, il y a que Wonder Woman. Que Wonder Woman. Ouais, mais je sais pas, comme elles font toutes des trucs de ouf en même temps, tu te dis. Parce que, bah, c'est des super guerrières quoi, c'est tout. Bah ouais. Mais pas en mode super, enfin, pas super saiyan quoi, c'est des soldats normales. Non mais tu vois, en fait c'est ça le truc, c'est la gestion des pouvoirs. Elles ont une super force, genre elles font des sauts de... Ok, elles sont pas toutes aussi puissantes que Wonder Woman, mais elles te font des sauts de ouf, etc. Du coup elles ont également en théorie une super résistance. Bah on les voit pas sauter Elles sont tirées par leur corde et des trucs comme ça. Non mais si, mais quand l'autre elle saute. Qu'elle fait bouclier, quand elles font des sauts à cheval et tout. Non ouais. Mais qui dit bouclier qu'elle va sauter. Oui voilà, je pense à ça. Ah ouais. Elle fait pas un saut normal quand même, tu vois, genre Michael Jordan il saute pas possible. Bah après, non. Depuis l'enfance elles sont entraînées, ouais, c'est bon. comme les acrobates chinois peut-être, je sais pas moi. Bon d'accord, bon peut-être que c'est juste moi. Il y a peut-être un tremplin planqué peut-être ouais. Aussi. C'était un mannequin en fait en mousse. Et non, c'était sympathique mais j'ai pas grand chose à dire sur les Amazones. Ok, Bertrand. Les Amazones, oui, effectivement, ça manquait de Lucie Lawless. J'aurais bien vu un petit guest star. Ça aurait été bien. On s'en fout. Bien, mais non. Est-ce que le yodel comprend pas la magie de Xena. Est-ce que le yodel, ça t'a manqué? De quoi le... Ouais, un petit cri de guerre là, ça aurait été bien. Non mais enfin c'est ça, un petit guest star bien caché, ça y aurait que les fans qui l'auraient vu, elle aurait payé ses impôts et voilà, c'est parfait quoi. Mm. Ouais. Ça, tout le monde aurait été content. Hein. Mais elle incarne pas quelqu'un déjà dans l'univers de DC? Elle a pas été dans un... Non, c'était une connerie. C'était dans Spider-Man 1, elle faisait une apparition quand il va pour faire le match de, ah oui, de catch. Bah, c'est normal, c'est parce que son mari ou je sais pas quoi qui fait partie de la famille de Rémi, il avait fait un truc dessus. Peut-être. Ouais. Du coup, on en a fait une digression, Lucy Loles. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. Elles vieillissent, les Amazones, sur Themyscira? Mais non, mais elles boivent... Alors... L'eau qu'elles boivent, hein. En fait, c'est le... C'est en fait, elles peuvent vieillir jusqu'à un certain âge, et après elles vieillissent plus alors. Ouais. Ouais. Mais non, mais c'est parce qu'elles boivent de l'eau de merde. Putain. Non, parce que Wonder Woman, elle est grandie, donc elle boit pas oui, d'eau. Oui, c'est alors. Ça. Ouais, mais tu la fontaine de jouvence, tu dois avoir un âge où oui, tu oui, t'arrêtes. Oui, de... d'accord. Ouais, d'accord. Et du coup, on va passer aux autres. Du coup, Monsieur Turlupinpin, Saïd Tekmaoui, tout le reste, qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, le chef indien. Ils font le job, mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Hein, ils font le job, quoi. Okay. Ils sont ni extraordinaires ni mauvais. Romain. Alors moi, j'ai pas compris pourquoi sortir l'équipe Benetton au moment de la quête de Diana pour aller sur le front. C'est pas nécessaire. On n'est pas toujours obligé de sortir un type de chaque ethnie pour qu'elle rencontre un homme de chaque ethnie pour qu'elle puisse avoir un panel de d'hommes suffisants pour comprendre l'humanité. Non, ça m'a un peu dérangé. Ça m'a pas dérangé sur le coup, mais en sortant de la salle, je me suis dit, ouais, c'est la pub Benetton, quoi. C'est vrai que ça faisait un peu too much, hein, carrément. Benawi, là, je suis désolé. Saïd, je vais l'appeler Saïd. Carrément, sa kippa, du coup, c'est une kippa qui a, hein, ouais. Non, c'est pas une kippa, c'est un fez. Un fez. Donc du coup ouais, too much un petit peu, et en plus je trouvais que les sidekicks ne servaient pas à grand chose, alors que justement on aurait bien voulu voir que les hommes soient l'égal de la femme, enfin je sais pas, un peu plus d'égalité là, ouais. Là je suis pas d'accord justement. Je trouve que les sidekicks mettent en avant encore plus Wonder Woman, oui justement, oui, ça, sûr, parce ouais. que ils sont pas bons, on s'attend à voir des mecs qui vont faire des trucs, ils font rien, et ça met au contraire, ça rajoute au piédestal de Wonder Woman, et j'ai trouvé que ça, c'était bien. Oui, mais effectivement, mais ce qui est dit dans l'histoire, c'est que les Amazones, elles sont là pour guider les hommes et les aider à se débrouiller. Or, basiquement, sans Wonder Woman, ils étaient capables de rien. Il y en a un, ils l'ont fait venir parce que c'est un tireur d'élite, mais le mec, il est infoutu de tirer droit. Et parce qu'il tire jamais, en fait, on le voit pas tirer. Ouais, mais du coup, il sert à mais quoi, tu vois. En fait, ce que je comprends pas, c'est que les hommes, ils sont perdus, c'est-à-dire qu'ils sont dans cette guerre qui est affreuse. T'as Ares qui leur dit des choses, comme c'est dit dans le début. Ouais. Je sais pas qui c'est. Et en fait, du coup, ils sont paumés, ils savent plus trop. Et en fait, elle, quand elle revient et qu'elle les guide, c'est-à-dire qu'elle leur permet de retrouver le droit chemin. Justement, celui que tu parlais, qui arrivait pas à tirer et tout ça, il était pas bien. Et du coup, parce qu'ils elle ont vécu redonne... la guerre déjà, c'est la fin de la guerre, ils ont déjà Merci vécu 4 ans. C'est combien ça dure là la Là, ils disaient que ça faisait 4 ans. Mais là, je veux dire, c'est que le gars, justement, était traumatisé. Et puis elle lui dit, ah, mais toi, bah, c'est pas grave, si t'arrives pas à tirer, tu vas chanter. Ouais, tu vas chanter. Elle lui redonne, elle refait de lui un humain. En fait, elle les guérit en quelque sorte. Mais alors. Oui, c'est ça justement, parce qu'elle est là pour les empêcher de faire la guerre. Donc au final, que le mec tire pas, que le sniper tire pas, c'est une bonne chose pour elle. Ouais. Je l'ai vu comme ça. D'accord. Ouais, non, d'ailleurs, d'accord la fin du film, c'est un peu ça justement. C'est-à-dire qu'ils sont guéris, ils font des choses pour essayer d'arrêter mais la guerre. Pour le coup, Wonder Woman, elle tue. Hein. On est d'accord. Hein. Elle fait très mal. Elle fait mal. Non, elle tue. Bah, oui, ouais, non, mais méchants, elle tue au point où elle fait mal. C'est comme dans Batman vs Superman, quand au début du film, Lois Lane est capturée par un taliban, je sais pas quoi. Le mec que Superman envoie projeter contre le mur, il est mort. Hein. Tu ne sais pas, il a peut-être bien sûr, il a bu beaucoup d'Actimel quand il était petit. Exactement, il a un calcium, beaucoup de calcium. Voilà. De toute façon, il y a tellement de mecs cons qu'il faut bien Wonder Woman pour nettoyer tout ça un peu, merde. Hein. En même temps, on lui tire dessus, tu veux qu'elle fasse, elle va pas lui faire des. Pas. Mais moi je pose une question, parce qu'à un moment. Dommage, je crois, littéral. À un moment, ça on le voit dans la bande-annonce, dans la fameuse scène où elle envoie les balles là, sur le champ. Mais on voit que les balles elles sont projetées ailleurs. Mais si il y avait un pauvre gars là, ouais, qui traversait, boum, il s'est pris là. Non, ça, on le voit quand en fait quand ça frappe le métal, ouais, ça s'arrête de suite. Puisque non, on y voit y a toute que... une scène où justement tu vois les trucs qui sont projetés autour et tout, et tu vois les autres qui avancent. Je me dis, mais ils vont se prendre une balle quoi. Ben, parce que là il y a une scène qu'on voit aussi dans le trailer où. Où t'as Wonder Woman quand ils sont dans Londres et qu'elle défend. Ouais, mais le coup était pas pareil, c'était une petite arme, c'est des gros trucs, et en fait tu vois que ça. Ils te font toute une scène esthétique où tu vois les balles qui. Ouais, peut-être. J'ai un petit défaut. Du coup, on a parlé de tout le casting. Bertrand, t'as pas donné ton avis sur le reste du casting? Sur les sidekicks, bah, c'est pareil, moi j'ai pas compris, enfin, à première visionnage, j'ai pas vraiment compris l'intérêt des personnages. Bon, je me suis dit peut-être sur la pour l'humour, peut-être, mais voilà, je sais pas. Elle est pas allée toute seule à poil. Oui, mais enfin, je suis quasiment sûr que s'il y avait juste elle et Chris Pratt, ils auraient quand même réussi la mission. Quoi. Bah, moi je pense au départ qu'ils allaient juste comme ça, donc du coup. Bah non, parce qu'ils savaient pas où aller, c'est le chef qui les guide. L'Indien qui les guide de. C'est le seul qui a. C'est un pisteur. C'est bison futé. Attention, les embouteillages. Bah non, c'est justement, il a servi à rien, enfin sans spoiler, tu fais, il sert pas. Oui, mais il y en a aucun qui sert à rien, c'est. Oui, non mais. Il a fait ouais. Du feu. Ah, il a fait du feu, oui, voilà. Ça, il fait du feu. C'est important. C'est bien, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Ils par ont contre, pas eu tu froid. Vois, dans, si quand même, dans ceux que j'ai pas trop aimé, c'est les méchants, je trouve que. Ils sont fades et il n'y a pas assez de. Ouais, je trouve que c'est un peu le problème ça, du film. Mais ça, il faut qu'on soit pour en parler aujourd'hui. L'espèce de. Comment il s'appelle On en reparlera. Mais on va passer aux méchants de suite. Là, Docteur Poison et le soldat allemand dont j'ai complètement zappé le nom, que je trouve fadasse au possible. Je pensais vraiment qu'il y aurait on un va truc tout Derek. Autour de Docteur Poison. Qui, Docteur Poison, est une des némésis de historique de Wonder Woman qui revient souvent. Et là. Parce que moi je pensais que ça allait être elle vraiment le vrai méchant. Ouais, moi aussi je pensais qu'il y aura un truc à la Final Fantasy où le vrai méchant c'est pas vraiment le même. Enfin, et bah non, c'est finalement. Donc ouais, les méchants c'est les Allemands. Voilà quoi, ça va pas plus loin. Voilà, c'est ça. Après, ce que je trouve étrange c'est qu'on se croirait en pleine Seconde Guerre mondiale. Voilà, les Allemands c'est les méchants, il faut leur taper dessus et fort. Et c'est, ça, pas, c'est pareil dans le programme. Enfin ouais. Ça j'ai. Oui, mais bon, c'est moins. C'est pas la première guerre mondiale pour rien, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas la guerre des Allemands contre le reste du monde comme la Seconde Guerre mondiale. C'est pas une montée de fascisme. C'est autre chose. C'est une guerre territoriale. Ils sont venus reprendre ce qui leur avait été pris avant et ce qu'on leur avait repris et repris et re-repris. C'est pas aussi manichéen que la Seconde Guerre mondiale, je trouve. Et là, vraiment, c'est on tape sur de l'allemand. Et voilà, les autres, c'est les hommes. Elle je est sais là que, pour par exemple, Vincent hommes. Et Jessica ne sont pas rendus compte que c'était la Première Guerre mondiale. Ça, c'était pas obligé de le dire. Hein. C'est pas grave. J'ai pas compris pourquoi ils ont pas mis ça directement à la deuxième. Parce que justement, ça aurait été plus logique que là. C'est pour pas faire Captain America. Comparaison avec Captain America. Ouais. Moi, je me suis dit, c'est des ricains, ils connaissent rien. Donc, voilà quoi. Moi ça m'a pas trop gêné. Enfin, c'est un film de super-héroïque. Hein, donc... Soit en même temps les Allemands, c'est soit les Allemands, soit les Russes, soit autre chose, c'est toujours pareil. Alors, il manquait que Mecha Hitler et puis c'est bon. Ouais. La guerre froide, ça aurait été pareil, ça aurait fait Captain America. T'as un petit mot à dire sur les méchants mais, non, mais alors du coup, effectivement, c'était la Première Guerre mondiale. Du coup, comment expliquer que Wonder Woman n'a pas participé à la Deuxième Guerre mondiale ensuite? Qu'est-ce que tu sais qu'elle en a pas participé? On sait pas, mais elle était en vacances peut-être. Là, ils le savent parce qu'il y a une photo, donc il y a une preuve qu'elle était, mais ça se trouve, la Première Guerre mondiale. Okay. Wonder Woman 2, c'est la Seconde Guerre mondiale. Peut-être qu'après, voilà, elle était plus prudente, elle s'est fait moins photographier, je sais pas. Elle n'était pas allée à poil sur le front ouais, avec c'est ses. Ouais. Quoique, bon, on... est-ce qu'on va passer. Non. Spoiler Ça fait 36 minutes qu'on parle, on va peut-être passer à la zone spoiler. Ouais. Quoique, vous avez peut-être un petit mot sur la réal. Moi j'ai bien aimé la réalisation. Comme quoi, vous voulez qu'un boulot soit bien fait, il faut le faire par les femmes. Parce que je suis désolée, vous les mecs, vous pensez avec le pantalon et vous êtes nuls en artistique, c'est tout. Là, je suis désolée, c'était bien réalisé. Scène de baston, elle était très bien. En plus, je trouve qu'elle restait un peu dans quelque chose d'homogène avec ce qu'avait fait Monsieur Snyder. Donc je trouve que ça se mariait très bien, que ce soit en termes d'esthétique, des couleurs, en termes de réalisation avec des petits ralentis, trucs comme ça. C'était très bien. Après, il y avait le scénario qui avait, je fais dans le même temps, le scénario qui avait quelques petites longueurs et des choses à enlever, mais là, c'est la faute de Monsieur Snyder. Son propre fil conducteur, sans qu'on lui demande. Vincent, ou avant que Romain voulait parler. Pareil, moi, je trouve qu'elle fait vraiment bien le boulot. J'ai adoré les deux esthétiques, l'esthétique de la première partie sur Themyscira et l'esthétique sur la seconde partie au front. D'ailleurs, on voit que c'est vraiment les couleurs au front, c'est sépia, c'est comme la photo, en fait. On voit la photo et ça reste comme ça, et ça, c'est super bien fait. Mmh. Et voilà, justement, j'ai retrouvé un petit côté Snyder, notamment dans les tranchées, par rapport à ce qu'il a fait sur Sucker Punch. Il est encore producteur et scénariste, donc à mon avis, il a eu... Ça m'a fait penser à Sucker Punch à certains moments dans les tranchées et voilà, ça donne de la cohérence en plus à l'univers, donc c'est très bien. Ok, Bertrand. Qu'est-ce que je peux dire sur la réal, c'est les images sont belles, le film est beau, le film est quand même globalement beau. Avec, ouais. Que ça soit pour les effets spéciaux, les ralentis sont présents, hein, on a beaucoup. Sont ralentis. C'est bien les ralentis, qu'est-ce que t'as compris ralentis? Ouais, mais il en faut, mais pas trop non plus. Bah ouais. Tu vois qu'il y en a plus que dans Matrix, donc tu te dis... Il y en a quand même moins que dans Resident Evil 5 ou 6. Oui, non, mais... C'est comparons mais là, c'est pour parler d'un endroit où ils abusent des ralentis. Oui, effectivement. Non, donc ouais, donc là, je trouve il est beau. Franchement, il n'y a pas de... Ok. Vincent, j'ai beaucoup aimé la réalisation aussi, surtout celle des combats. Ça tranchait pas vraiment avec la réalisation de Batman v Superman. Au contraire, on sent vraiment qu'elle a essayé d'adapter son style à celui de Snyder. Pattinkins, c'est ça? Je suis pas sûr de bien penser. Patty Jenkins, ouais, d'accord, mais j'étais pas du tout. qu'est-ce que je veux dire? Et surtout, ce qui est impressionnant et qu'on retrouvait dans Batman v Superman, c'est qu'on sent vraiment la puissance des coups qu'elle donne, quoi. Ouais. C'est, moi, j'adore. Hein. Je trouve ça vraiment ouf. La scène dans le village, quoi. Ah ouais. Et quand elle défonce le mec à travers la fenêtre. C'est trop bien. Ça. Quand après qu'il s'est passé un truc et qu'elle défonce des Allemands à la chaîne, je trouve que c'était hyper stylé. C'est trop bien. Voilà. Ouais, non, vraiment les scènes d'action, ça change des frères Russo. Hein. Alors moi, ils tremblent qu'ils ont pas. Un peu ouais. Dénoté avec vous. Ah bah tu te tais alors. Je trouve que Snyder manque. Qu'il y a dans la réalisation, il manque vraiment de l'épicness qu'il y avait beaucoup dans BVS et qu'il y avait encore plus dans Man of Steel. Je trouve vraiment ça manque, ça me manque tellement. Et moi, c'est vraiment ça que je voulais voir. Je voulais vraiment revoir une Wonder Woman épique et badass. Mais elle est épique, elle l'aime, mais elle est pas assez. Il manque ce souffle qu'il y a avec Snyder. Mais vraiment, elle a vraiment repris ses gimmicks de réalisation. Je trouve que tu vois, les zooms qu'on avait dans Batman v Superman, oui, on les retrouve dans, ici aussi. Superman, dans Man of Steel aussi, on les retrouve. Ouais, ouais, ouais. Les ralentis, il en fait. La façon dont les combats sont faits, moi je. Je sais pas si c'est dû au personnage, mais devant BVS, j'étais fébrile. J'étais en mode. Je tremblais d'excitation et tellement c'était génial. Mais c'est tout. Et là. Mais imagine le même film, on aurait mis une photo de Batman dans le fond. T'aurais aimé. Tu vois, il serait passé genre salut. On voit au début, il y a un petit truc Wayne Enterprise. Ouais. Ça y est, t'en pouvais plus. Là, j'étais. C'est le meilleur moment de tout le film. C'était l'entreprise de son cousin de Powerless en fait. Oh ouais. Putain, mon Dieu. Donc ouais, bon, on va passer à la partie spoiler. Oui. On va faire une petite pause musicale. Donc je n'ai pas encore choisi le titre. Et pour les gens qui nous écouteraient peut-être. Je sais, t'as qu'à mettre Destiny Child, Independent Woman pour essayer dans le truc. T'as qu'à mettre la musique, le thème non, de Wonder Woman. Ce n'est pas votre émission, ce n'est pas vous qui choisissez. Oh, quel méchant. Contrairement à Geek en série qui se passe tous les vendredis à 14h. Faites la pub. Oui, je fais de la pub quand même. Parce que pour les gens qui nous écouteraient peut-être à la radio. Vous pouvez voter pour la prochaine émission. Oui, vous pouvez voter. Surtout, ne votez pas pour Riven. Oh, t'es franchement. Putain. Donc, j'étais en train de dire, pour les gens qui nous écoutent à la radio, on va vous laisser ici. Et si vous voulez nous entendre parler avec plein de spoils et qu'on puisse se lâcher au niveau de l'histoire, écoutez le podcast. Sachez que vous pouvez retrouver l'émission sur tous les réseaux sociaux, comme Easy Discovery, sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Est-ce que, vite fait, avant qu'on quitte qu'on t'en parle un peu dire, à la radio, le moment, quoi. Est-ce que t'as envie de parler vite fait de la boutique et d'où vous en êtes? Eh ben, on est en train de peut-être présenter de boucler les budgets, voilà, de représenter peut-être le projet, voilà, pour les gens qui n'ont pas. C'est avec ma femme, on essaye de monter donc un café pop culture. Donc ouais. Il y aura du comics et du manga notamment. On essaye voilà d'avoir aussi pas mal d'épiceries américaines et japonaises pour avoir des petits goodies aussi régionaux. On est en train de voir avec pas mal d'artistes régionaux pour avoir du... Bah parce que la pop culture, c'est un peu partout et qu'on en fait aussi très bien dans notre région. On a vu notamment une artisan qui fait des bas de signaux qui sont super. Ah ouais ? Voilà, et on a aussi des artistes qui font des tableaux de manga ou de comics, etc. Et on aimerait bien mettre ça en avant aussi. Donc l'idée, c'est une espèce de comic shop où on pourrait boire des drinks. Voilà, c'est... Ouais. J'aimerais voilà, aussi mettre en avant le côté pop culture, avoir aussi quelques bouquins sur des films. Voilà, parce que c'est de plus en plus la passerelle entre le comics et le film est en train de s'effacer. Tout passe de l'un à l'autre. Et du coup, pour vous aider, voilà. Qu'est-ce que vous faire ? pour nous aider, eh ben, on a un crowdfunding sur la plateforme Bulb in Town. Voilà, c'est une petite plateforme. Voilà, on est suivi par la CCI et on essaye du coup de récolter suffisamment pour pouvoir avoir un peu de stock en plus par rapport à nos financements bancaires et puis nos deniers personnels. Ok, et du coup là vous êtes votre premier palier est à 5000 euros. Voilà, on est à 5000, le premier palier est à 5000 euros, ouais. Et on est à 53%. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs à récupérer. Ça va du café au portrait comics qui sera affiché dans la boutique. Et voilà, c'est surtout, on essaye de créer une boutique où on pourra prendre son temps, où on ne sera pas obligé de feuilleter debout dans une allée serrée, où on pourra se poser, où on pourra discuter. On a aussi envie de faire beaucoup d'events, des quiz, peut-être du gaming. J'aimerais bien faire des événements autour d'Injustice 2, parce que le jeu est joli. Et voilà, pourquoi pas faire des tournois, pourquoi pas faire des petits trucs comme c'est ça. Cool. On essaye de contacter aussi des dessinateurs, des youtubeurs pour passer. Voilà, on est en train de voir aussi avec l'école de manga de Toulouse pour qu'ils viennent nous faire des petites conférences sur la création du manga, des petites initiations au japonais. On essaye de faire quelque chose de convivial où on vient pas juste choisir un bouquin, ça se fait ailleurs. Ouais. Mais voilà, où on vient prendre son temps, on vient manger un Twinkies parce qu'on en a vu plein dans des tas de films. Spoiler, c'est dégueu. C'est très gras. Moi, j'aime bien. Voilà, il faut pas les manger. C'est pas pire que les Twizzlers, en tout cas. Ah non, mais les Twizzlers, c'est immonde. Voilà, mais j'ai découvert des trucs vachement sympas, comme les chips au chocolat, qui se font beaucoup au Japon et qui sont vraiment sympas. Et puis, il y en a pour tous les goûts. C'est ça qui est pas mal aussi. Bah du coup, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est dans la rue universitaire. Enfin, si vous ouvrez, c'est vous ouvrez quand ? Si on ouvre, on a prévu une ouverture en septembre, ce sera tout en haut de la rue de l'université, juste avant d'arriver à la préfecture. Et voilà. Si vous avez des questions, vous, autour de la table, sur ce qu'on pourrait y faire. J'aurais dû réfléchir avant. Vincent, tu as des questions ? Ben non, désolé. Ben, je sais qu'on m'a, par exemple, on m'a posé des questions sur est-ce qu'on ferait de l'AVO. Ah oui, ça, c'est vrai qu'on en avait discuté. Donc. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place. Je pense qu'il n'y a plus personne qui le ferait. Franchement, j'aimerais remettre de l'AVO en place sur Montpellier. Ouais, après, je ne sais pas si ça se fera directement en stock dans la boutique ou si on fera un système de pré-réservation. Moi, je voulais faire des systèmes, marcher beaucoup avec des systèmes d'abonnement où on vient, on s'abonne pour des mensuels, que ce soit en VF ou en VO, et puis comme ça Ah mais tu veux faire du kiosque aussi, enfin t'auras le kiosque Urban ou Panini à disponibilité. Je pense qu'il y en aura dans une certaine mesure, mais bon, c'est pas vraiment l'objectif. Moi j'aimerais plutôt faire du livre, du faire du brochet et faire des histoires complètes aussi. Cover, ouais. Moi j'aimerais voilà mettre en avant aussi toutes les histoires qui sont complètes, genre Batman Red Son et Superman Red Son et tous les gros tomes, ce que fait Valiant en ce moment, qui font des intégrales, les intégrales, faire vraiment des intégrales et des histoires, parce que je sais que la plupart des gens que je connais qui veulent lire du comics, ils savent pas quoi lire. Oui. C'est trop difficile. Mais c'est pour ça qu'il faut quelqu'un. Ça décourage. Ce qu'il n'y a pas trop à Montpellier, des gens un peu prêts pour venir discuter, enfin aiguiller les gens vers le comics. Voilà. C'est ce qu'on essaie de faire avec l'émission. Donc, ce qu'on veut, c'est donner du temps aussi et qu'on puisse choisir, prendre son temps. Merci à toi. On mettra le lien du crowdfunding dans la description. On l'a partagé plusieurs fois déjà sur Facebook. Allez participer, on le fera sûrement à la fin du mois, peut-être si on a un peu de sous de côté. Moi je vous dis au revoir, à la prochaine. Et pour les gens qui veulent nous entendre spoiler Wonder Woman, on va partir à la partie spoiler. Et en fait, on a dit ce qu'on en pensait vraiment. Être un spoiler de dire ce qu'on pense du film. Bon, on va partir. Merci à vous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Petite pause musicale et on revient. Enfin, pour les gens qui nous écoutent sur spoiler, sur podcast, on revient tout de suite. Donc voilà, on est dans cette partie spoiler, on va pouvoir spoiler comme des enfoirés, comme il faut. On va commencer direct, et Romain, comme tu as le micro, tu vas pouvoir parler. Donner ton avis un peu plus global en pouvant spoiler. Alors je vais commencer à parler de moustaches. Ouais, voilà, je les pense trucs qui t'ont posé problème et les trucs que tu as kiffé. C'est vraiment le point moustache, c'est vraiment le gros point noir. Explique du film. Qu'est-ce que c'est le point moustache pour voilà, c'est on découvre un super méchant vraiment badass. C'est le dieu de la guerre et il a une moustache. Et on ne voit que cette moustache. Il se fait une super armure avec une petite fenêtre pour que sa moustache puisse aérer tout le combat. Et bah oui, bah, il faut et bien. Je pense que c'était... Vraiment, le poil brillant, il faut qu'il respire. C'était un peu dommage. Ça, c'était un des gros points noirs pour moi. Moi, c'est un gros point. Même avant, je trouve que les méchants sont pas assez charismatiques, sont pas assez, ils sont pas à la hauteur de Wonder Woman. Et elle a pas de quelqu'un qui arrive au même poids qu'elle. Et c'est un peu dommage. Moi, je pensais que, pardon, je pensais qu'en fait le méchant était polymorphe parce que je trouvais vraiment qu'il avait pas la gueule d'un Arès, quoi. Oui, moi je pensais qu'il allait se transformer. Quand il a dit oh, salut, c'est moi Arès, je pensais qu'on allait avoir quelqu'un de genre The Rock, tu vois, enfin un mec. Voilà, même je disais Idris Elba, il aurait été super bien en fait. Dommage. Là où je me suis dit, on n'est pas dans la merde, c'est quand ils t'ont montré le flashback où le mec il s'est fait battre par Zeus, c'est que tu vois qu'effectivement c'est le même mec. Le mec, ça fait des siècles qu'il entretient sa moustache. Il a une quand on est fidèle à sa moustache, on le reste jusqu'au bout. Ah non, mais pourtant j'aime bien l'acteur, il était magnifique dans Harry Potter, très bien dans le rôle de Lupin. Mais là, il était pas dans Cœur de Dragon aussi. Oui, alors dans Cœur de Dragon, c'était magnifique. Il avait une petite perruque en carré rousse. Ah, c'était magnifique. Il avait une moustache. Non, il n'avait pas de moustache. Mais non, mais comme quoi, il pourrait être bien sans moustache. Arès est peut-être fan de Tom Selleck. Hein. Peut-être, peut-être. Mais Tom Selleck, par exemple, aurait déjà plus de charisme, tu vois, que... Non, là, ça passait pas. Tu vois, ça aurait été plus... Moi, j'aurais préféré... Alors, au début, tu penses que c'est l'allemand parce que c'est obvious. Mais la relation, tu l'as vu arriver. Enfin, ouais, moi, je savais... Attends, mais moi, je pensais que ça allait être... Excusez-moi, ça, c'est un peu de bruit. Je pensais que ça allait être la femme, en fait. On avait découvert que c'était elle, Arès, quoi. Puisqu'elle faisait les poisons, elle donnait un produit au gars et tout. Je me suis dit, bon, bah, ça va être elle. Peut-être et obvious, en fait, du coup, là. Moi, je l'ai vu arriver 30 ans, 20 que... Enfin, j'ai pas vu que c'était Lupin, le Turlupin, Lupin, mais j'ai vu le fait qu'elle bute le vieux allemand dont j'ai complètement zappé le nom. Ouais. Je l'ai vu arriver qu'elle allait le buter, que c'était pas lui. Oui, mais ça, tu t'en doutes quand elle se bat, que c'est super simple le combat. Mais voilà, un peu déçu, j'aurais voulu vraiment un adversaire à sa taille. Même le combat contre Arès, c'était un peu. C'était un petit peu ridicule cette scène avec le docteur Poison et l'allemand dont on a oublié le nom quand il balance le poison dans le gaz dans la salle où il y avait plein d'allemands, c'était un poisson genre, et il balance en plus un masque à gaz qui est censé quand il rigole, voilà, genre c'est des petits connards qui font leur petit coup de pute la porte sur la j'ai adoré quoi, elle regarde à travers un peu le coup du docteur d'enfer, je trouve. Je trouve ça super, mais tu vois, c'était super, je trouve que l'humour dans le film ça passait bien, c'était subtil, c'était pas... Non, parce que moi ils m'ont fait rire, ces Allemands. Écoute, ils avaient un capital sympathie. Écoute, même s'ils sont méchants. Mais ouais, non, mais ils sont sympathiques, mais ils. Enfin, ouais, mais après, voilà. Même le scène de balle où elle est confrontée au la première fois à l'allemand. Ouais. Je le trouve vraiment pas au niveau d'elle. Ah, mais ça c'est sûr. Par contre, ce qui m'a fait rire, c'est justement quand elle se bat contre Arès et que donc on a Chris Pine qui s'en va vers d'autres cieux, elle commence à s'énerver et ça faisait tellement Dragon Ball, il manquait plus que les cheveux qui deviennent jaunes, tu vois, ça fait trop Super Saiyan. Ah mais moi le délire, ah oui, je tape contre mes bracelets et ça fait un Kamehameha. Et alors surtout que le pouvoir de ses bracelets, il a jamais été expliqué. Moi je comprends pas c'est quoi leur pouvoir. C'est elle qui a le pouvoir de DS. Je pense que c'est une onde de choc. C'est, elle tape tellement fort dans ses bracelets que ça crée une onde de choc. C'est aussi pas ce que j'ai pensé. Mais alors du c'est coup ça, comment parce qu'elle a de la force, c'est comme Captain America quoi. Et les bracelets, je pense qu'ils sont peut-être un côté divin. Ça se trouve on va apprendre c'est peut-être son père qui les a filés, tu vois, à sa mère ou. Alors comme ça, pour l'onde de choc, c'est également une théorie que j'avais, mais du coup quand elle réfléchit le laser là, non c'est pas qu'elle le réfléchit, c'est qu'elle le pouvoir du méchant est concentré dans ses bracelets et elle arrive à le rejeter. Tu vois. Bah, parce qu'en fait c'est simple, le méchant c'est le fils de Zeus, donc Zeus contrôle la foudre, donc forcément étant les enfants de Zeus, ils peuvent canaliser la foudre. Donc quand le gars lui balance la foudre, elle arrive à le canaliser en utilisant ses mains. Elle aurait pu y arriver sans les bracelets aussi, je pense. C'est ce qu'on pourrait penser, sauf que elle le défonce avec ses propres éclairs. Le coup de je suis la fille de Zeus, je récupère les éclairs et je te les renvoie, ça pourrait marcher si lui aussi c'était pas le fils de Zeus. Oui, mais par contre, je pense que vu qu'elle est énervée, qu'elle est en mode Super Saiyan, pour moi c'est elle a récupéré et elle a en plus rajouté de sa force à elle. Ça, ce qui me semblerait le plus logique. Bertrand, il a pas encore parlé sur les méchants et sur. Sur les méchants, un des gros problèmes du film, c'est qu'il est très manichéen. Enfin, c'est la Première Guerre mondiale, donc les Allemands sont pas juste méchants. Là, c'est le coup de. On est Allemand, on est méchant. On ricane derrière la porte. Mais là, t'as un côté, justement, c'est pour lui prouver que l'humain est pas soit bon, soit mauvais, et que finalement, on a tous une part de mauvais en nous, et que ça lui casse ses illusions, parce qu'elle, on lui racontait des contes, genre, ah, mais c'est Arès, il dit aux gens d'être méchants, mais quand il dit rien, ils sont gentils. Oui, elle s'aperçoit que même ça. On voit bien que les autres. C'est spécifié à ces deux-là, et que les autres Allemands, qui sont en train de signer une armistice, sont pas foncièrement méchants, parce qu'ils sont en train de dire, bon, on va faire la paix. Oui, non, mais donc c'est vraiment eux qui veulent continuer la guerre. C'était vraiment les deux méchants et que face là pour le coup, je trouvais que ça dénotait un petit peu avec l'esprit un peu sérieux de DC. Mm-hmm. C'est ouais. Pas faire de blagues, mais on en fait quand même et limite voilà. Bon, après c'est les. Bah après, aussi, je pense qu'on a dû dire qu'il faut mettre de l'humour puisque il y avait déjà eu le souci dans Suicide Squad, mais heureusement la réalisatrice a su gérer ça quoi. Parce que sinon, on se retrouve avec des blagues du niveau genre Doctor Strange où le mec il insiste pendant 30 ans. Alors j'ai fait une blague, tu vas rire. Non, mais c'était ça ma blague, t'as pas compris, tu vois. Là, il y a quand même de l'humour dans Wonder Woman, mais c'est, oui. C'est de l'humour beauf hein, oui, par contre. Hein, c'est de l'humour, ouais, ça dépend. Genre les blagues sur le pénis et compagnie, ouais, c'est marrant, franchement, les blagues sur le pénis. Mais bon, après, voilà, moi, ça passe vite fait. On a vu pire quand même dans le genre. Oui, on a vu pire. Toutes les blagues autour de Chris Pine, elles sont sympas. Elles sont plus sympas en VO. Pour une fois que c'est pas la même chose sur une femme, parce que souvent. Alors ça fait un peu plaisir. Genre il y a tout un truc à un moment où ils sont sur les bateaux ils vont à Londres sur le bateau et il y a tout un truc où il dit oui je vais pas dormir avec toi et en fait en VO il dit sleep with you et du coup ça a plus de connotation que dormir avec toi. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis je vais ils pas coucher. Ils disent pas coucher. Non, ils disent dormir. Coucher à côté. Coucher à côté ouais. Non, ils disent dormir à côté. Enfin, oui, du coup, ça a pas la connotation sexuelle qu'a le par contre, il y a de l'humour qu'on a dans la version française qui est peut-être pas en VO. Quand ils sont dans le village en Belgique, les figurants, il y a des doublages avec le bel accent belge là bien. Mais là en VO. Bien caricatural, j'étais morte de rire. Quoi, là en VO, c'est des gens qui parlent pas français et tu sens trop le vieil accent de merde. Ça doit être drôle aussi. Et ils disent que des mots, enfin les mots que les Américains connaîtraient. C'est limite s'ils disent pas formidable. Non, je crois qu'ils disent formidable. mais c'est vraiment des mots random que tu dirais pas. Enfin, c'est même pas des phrases, c'est juste des petits mots comme ils ça. Ils ont pas foutu du Edith Piaf à un moment dans la musique. C'est ça. J'ai les mecs qui connaissent que ça, quoi, un truc français. Ça, Maurice même, Chevalier. Ouais, ce qui m'a halluciné. Ouais. Déjà, Saïd-Tek Mohi se redouble pas en VF. J'ai pas compris pourquoi. Bah, il avait peut-être pas le temps de se doubler. Oui, il avait peut-être pas le temps de le faire. Et en VO. Il aux autres, alors il vaut mieux pas qu'il En VO, il a un accent anglais, mais à couper au couteau. Il parle pas vraiment. Parce qu'il y a plein de moments où on l'entend parler français. Et il a un accent quand même américain. Il garde à mon avis, c'est fait exprès pour combien qu'on comprenne. Enfin, que les Après, Américains en même temps, c'est peut-être un moment qui bosse pas mal aux États-Unis. Donc, je sais pas, à force, je sais pas. Hein. Ouais, mais ça veut rien dire. Ma grand-mère qui est anglaise, elle a passé 90% de son temps en France. Et elle a encore son accent en anglais. Hein. Donc, ça veut. Ouais, enfin, je sais pas. Je pense qu'on lui a vraiment dit garde un accent. Enfin, fais un fake accent un peu bizarre. Et... Ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre Qu'est-ce que vous voulez enchaîner on pas spoiler. Sur l'histoire de Wonder Woman, ouais. Avec l'histoire de la tueuse de machin avec Zeus. Je n'ai pas ça compris en fait pourquoi genre il faut absolument la cacher pour pas qu'il sache où elle est et tout. Moi parce je crois que chercher, c'est parce qu'il voulait la tuer l'autre. La buter en ou, fait, la, ou la mettre avec lui quoi. Ouais mais je trouve que c'était pas logique parce que le mec genre il sait pas où elle est, il a pas senti le truc. Attends, parce que c'est lui qui a envoyé les... C'est, je veux dire, s'il y a les mecs qui sont arrivés sur l'île, c'est pas par hasard, c'est Arès qui a dû les envoyer pour la faire sortir. Moi, je pense qu'ils savaient depuis le début. Donc, du coup, c'est pas logique, il manque quelque chose pour moi, quoi. Du coup, moi, il y a un truc qui me pose problème, c'est où est Themyscira ? Parce que, on dirait que c'est en Méditerranée. Parce qu'ils partent de Turquie, puisqu'ils disent l'Empire Ottoman, donc ils doivent être en Turquie, dans ce coin-là, quoi. Et il va vers l'Angleterre, donc je sais pas, c'est bizarre. Ben moi j'ai toujours cru que Themyscira était en mer Égée, parce que c'est les dieux grecs et que. Ouais, mais c'est pas. Je crois que Themyscira, ça a été dit que c'est dans le triangle des Bermudes. Ouais. Je vais confirmer parce que justement dans la série, à un moment il y a une histoire dans le triangle des Bermudes et après elle se retrouve dans le futur. Dans Rebirth ils le disent aussi, je crois que c'est dans. Enfin, il y a un truc avec le. Oui, non, mais c'est le triangle des Bermudes. Mais par contre, je suis désolée, film, elle se couche, elle se réveille le lendemain matin, ils sont déjà. Ouais, à Londres. Alors il lui dit ouais, on nous a remarqué. Elle a pas entendu. Elle a pas entendu le bateau qui vient les remorquer et tout, qui arrive. En plus, c'est des bateaux à moteur au charbon ou je sais pas quoi, ça fait un bruit de fou. Et en off, Bertrand a soulevé un point aussi, c'est que les Allemands ils débarquent donc sur Themyscira, mais c'est pas toute la flotte allemande qu'on a vue en fait qui débarque sur Themyscira. Il reste un cuirassé en renfort, et alors lui on sait pas, il a fait demi-tour, il a vu tout le monde qui se barrait. Il a vu que tout le monde crevait donc c'est cassé, il avait pas envie de mourir. Ouais, mais je sais pas, après il y a personne qui est retourné dans cette zone là pour aller récupérer les corps, pour aller récupérer des trucs, le matériel, voir ce qui se passait. Parce qu'en fait il faisait que suivre Steve Trevor en avion. Ouais, je sais pas, moi je trouve que c'est quand même bizarre. Themyscira, ça a été trouvé hyper facilement. Il y a des gens qui ont vu ce qui se passait, qui sont repartis dans l'autre sens. Et Wonder Woman, c'est l'île des Amazones, c'est resté secret jusqu'à Batman v Superman. Tu vois, moi je trouve ça un peu bizarre. Mmh. Et c'est pour ça que ma théorie, c'est que le petit coquinou d'Arès, il a dit aux gens « Allez, vous allez poursuivre le gars, vous allez sur cette île », parce que je pense qu'il savait qu'elle était là. Mais il s'est dit « Tant qu'elle est avec sa mère et compagnie, je peux rien faire ». Donc du coup, il s'est dit « Si je la fais sortir et que je lui montre comment sont les humains et machin chose, j'arriverai peut-être à la récupérer de mon côté ». C'est ce truc qui me semblait logique, sinon pour moi, il y a un trou. Y a mais un c'est truc pas le fait qu'elle ait utilisé, parce qu'en fait, ils arrivent à entrer pile au moment où elle arrive à utiliser ses pouvoirs. Mm. Donc peut-être qu'elle a, en utilisant ses pouvoirs contre la meuf, ça lui permet de localiser le. Ouais, peut-être, ouais. Parce que ça voudrait dire que si on reste dans le délire du lore du film, ils ont juste à traverser Themyscira. Enfin, elle est juste, on la voit pas. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont passés juste à côté en bateau et qui sont pas passés. Enfin. Mais du coup, c'était une information trop importante pour pas que ce soit dit. En plus, ça aurait pu vraiment être précisé, genre dans un dialogue de deux lignes, de deux répliques entre Wonder Woman et. Donc, je pense vraiment que c'est le fait qu'elle utilise son pouvoir pour la première fois qui fait que ça ouvre peut-être. Pas forcément, il aurait suffi de mettre le cuirassier échoué sur un banc de sable au fond et c'était réglé, je veux dire, on voyait un plan de la plage, on voyait le cuirassier qui était sur le flanc, sur un banc de sable, on savait qu'il avait pas pu repartir et c'était plié pour moi. Surtout qu'en plus quand ils arrivent il est comme ça, il est un peu bizarre donc... Oui, et puis en plus on sent qu'on voit quoi au début, on voit 5-6 canots. Et il tue 350 Allemands sur la plage, donc on sait que le cuirassier, il n'y a plus grand monde dessus. Effectivement. Et c'est un peu ces petits détails qui sont un peu problématiques dans le film au final. S'il y a des petits trucs, enfin. Ouais. Je pense que c'est pas gênant. Ça m'a pas gêné. Il y a des décors qui m'ont fait un peu genre le décor de tout quand ils arrivent, le village français, sur le front. La Beau et la Belgique, le village belge, le front en Belgique. Je trouve que ça faisait un peu. Il y avait un petit côté cheap. Ils auraient pu être un peu plus. Ça faisait vieux documentaire sur la guerre. Hein. Mais je pense que c'était le but. C'était le but de montrer les vieux jeux vidéo et les trucs comme ça. C'était... Ouais. Ouais, y a on est d'accord que Wonder Woman, elle découvre ses pouvoirs pendant le film. Hein. Voilà. Oui. La meuf elle accepte le truc sans trop se poser de questions, je trouve ça marrant. Et surtout la scène du coup où vraiment elle découvre qu'elle a des pouvoirs, c'est quand elle escalade la tour pour aller récupérer ses artefacts là. C'était un peu un clin d'œil à la scène de Spider-Man, non? Ah ouais. Mais... Quelle scène de Spider-Man? Spider-Man 1 de Sam Raimi. Spider-Man 1 quand il commence à voir qu'il peut monter sur le mur, puis il commence à monter tout content et tout ça. Ah là, oui. C'est pareil. D'ailleurs, je trouve que cette technique pour grimper est très efficace. Très efficace. Mais après, tu vois, les pouvoirs. Au début, ça lui fait peur, mais elle accepte parce que sa tante, à chaque fois, lui dit non, mais tu es plus que ça, plus que ça. Et avant de mourir aussi, elle lui rappelle oui. À ce moment-là, on a l'impression qu'elle sait qu'elle est forte, qu'elle est très forte. Elle le découvre, parce qu'au début, elle est surprise quand elle peut péter le truc, et après, ça l'amuse parce qu'elle est jeune et innocente et naïve. Il y a le fait aussi que. Elle a été sculptée, pour elle, elle a été sculptée dans l'argile. Dans l'argile, et elle a été. C'est Zeus qui lui a donné vie. Donc elle sait qu'elle n'est pas comme les autres. Elle le sait de base. D'ailleurs, ça, j'ai trouvé ça super intéressant qu'ils aient mis les deux genèses. La première genèse en tant que fausse genèse que lui raconte sa mère, et qu'en fait, on comprend plus ou moins par demi-mot que. En fait, son vrai père, c'est Zeus, et qu'il s'est sûrement transformé en animal pour faire sa saillie quotidienne. Voilà. Du coup, comme j'ai pas fait de conducteur en fait, j'ai un peu, je sais pas pourquoi. Non, après, dans les défauts, c'est juste qu'il y a quelques longueurs des fois. Et puis au niveau de l'histoire entre Chris Pine et Wonder Woman, c'est genre, ok, il partage un peu des choses et tout, mais genre à la fin, il lui fait, je vais mourir, salut, au fait, je t'aime. Hein, hey. Alors qu'il n'y a pas vraiment, c'est juste ils font des petits rapprochements, des connotations un peu sexuelles parce que bon voilà, elle découvre la vie. Ouais, ça m'a un peu mais l'histoire d'amour. Rajouter une histoire d'amour. Et c'est un blockbuster, alors oui, quelque part ça fait partie du cahier des charges. Ouais, mais c'est dommage. Si tu regardes bien, toutes les scènes d'amour, elles sont pas du tout mises en avant. Ouais. Et du coup, c'est ça en fait. Tu reproches au film un petit peu ces scènes d'amour qui n'étaient pas nécessaires. Et sans doute que Patty Jenkins a dû les incorporer parce qu'on lui a demandé, parce que c'est un blockbuster, il doit y en avoir. Mais elle aussi, ça la faisait chier. Et du coup, elle a tout fait dans sa réalisation pour pas que ce soit important. D'ailleurs, je l'avais remarqué pendant le film. Le son qui est coupé la première fois qu'il lui dit. Oui. Et puis, elle, je pense pas qu'elle est amoureuse. Je pense que c'est de l'amitié et elle découvre le truc. Quoi. Et la scène scène, la scène où les deux personnages couchent ensemble est passée sous ellipse, passée sous silence. Ils sont couchés ensemble. Beaucoup de... oui, ils s'embrassent et ensuite. Quand ça? Bah, tu vois, tu t'en souviens même pas. Je me suis endormi au village. Mais non, ils ont dansé. Ah, et après, il l'amène dans la chambre, mais il se casse pas. Non. Ah, bah, je me suis endormi. Il l'embrasse. Ah, bah, tu vois, c'est bien fait pour une fois. Tant mieux. Moi, il y avait. Alors, elle est plus vierge, merde. Moi, c'est ça que je trouve aussi. Elle est clairement plus vierge. Hein. C'est, elle le dit dans le bateau. Oui. Que les hommes sont pas. Après, moi, ce que j'ai trouvé dommage aussi, c'est. J'aimais bien dans le comics que. En fait, Trevor, c'est juste un. Au final, il devient un peu rageux parce que ah oui, dans Wonder Woman, elle veut pas de lui et que voilà, elle est amoureuse de Superman. Bah non, Infinity War, elle le quitte pour Superman et du coup, Steve Trevor fonde la Justice League of America par jalousie et par dépit. Voilà. En fait. Et ça, j'avais vachement apprécié dans le comics. Et le snob à chaque fois, elle le voit. Voilà. C'est super drôle. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est que voilà, aucun humain n'est digne de Wonder Woman. Et... Aucun homme, ça c'est sûr, n'est digne de Wonder Woman. Mais par contre, elle arrive quand même à changer un peu la nature des hommes, à savoir que le gars qui était quand même un peu égoïste pour eux machin, finalement à la fin, il décide de se sacrifier pour le monde parce qu'il comprend. Tu parles de Chris Pine là, Trevor ? Ouais, je trouve un peu. Bah non, enfin, depuis le début. Il disait qu'il voulait aider machin, mais j'avais plus l'impression que c'était genre égoïste en fait, pas vraiment. Non, le voyais pas aller jusqu'à se sacrifier en fait. Peut-être pas, mais aussi dans la scène où il est à poil, il sort du bain là, ils ont toute une discussion sur pourquoi est-ce qu'il fait la guerre, tout ça, et il dit parce que je peux pas ne rien faire, mon cœur me dit de faire ce qu'il veut. Je peux pas ne rien faire, mais moi je pensais pas, tu vois, qu'il était. À ce moment-là, qui était du genre à genre je vais me tuer carrément pour cette guerre. Tu vois. Peut-être pas à ce point, mais en tout cas, clairement, il faisait pas les choses pour son intérêt personnel et il était à la guerre pour sauver le monde. Quoi. Donc, Moi, un des trucs qui m'a gêné aussi, c'est que je m'attendais vraiment à un film ultra féministe avec vraiment un discours engagé sur ça. Et je trouve qu'il est pas. Mais si, il est féministe seulement. Attends, mais excuse-moi, mais le vrai féministe, c'est pas de dire toutes les samites, faut être forte. Elle le fait par les actes. Tout le film, tu le vois. Le tournement de la princesse Disney, je suis désolée, c'est ça. Le fait que la fille, elle attend pas qu'on lui fasse les choses, elle y va d'elle-même. Elle est forte. Être forte, c'est pas forcément le clamer sous tous les toits. Être forte, c'est arriver à se sortir des situations difficiles, arriver à garder espoir, arriver à remonter. Voilà, même quand il t'arrive un truc horrible. Que tu te rends compte que tu perds toutes des illusions et tout ça, continuer, c'est ça, être forte. Mais oui, mais tout le délire avec l'espèce de secrétaire là, ça aurait pu être un peu plus poussé au niveau de ça. Au final, elle sert à rien. Elle aurait pu avoir un rôle. Mais en même temps, t'as le reste de l'histoire, elle est là, je pense, pour faire du comique, quoi, c'est tout. Ouais, mais justement, genre, ils auraient pu ramener une femme dans le groupe avec eux et qui ait un vrai discours féministe avec un peu plus d'engagement. Je suis désolée, pour moi, il y est. Il y aurait eu trop de trucs, ça aurait fait trop genre, regardez, féministe, regardez, vous êtes contents et tout. Et ça aurait été pour moi du faux féminisme. Non, mais je dis pas d'aller balancer des messages militants, je suis pas en train de leur dire ça. Mais qui ait un vrai message, qu'ils essaient de dire quelque chose derrière. Je suis désolée, pour moi, il y a un message. Hein. Je vois pas ce que tu racontes là. Je suis désolée, en tant que femme, je pense être la mieux passée pour dire ça. Pour moi, je suis désolée, c'était un film qui te montre, c'est pas, je veux dire, elle te montre un personnage féminin qui est fort, qui fait des choses normales, et on n'a pas besoin de mettre en avant. C'est comme si tu faisais un film avec un héros noir, Black Panther, et toutes tes amies, tu disais, regardez, je suis noir, mais je suis un héros, je suis trop bien. Ça serait lourd. Mais regarde, quoi. Là, je vais prendre un autre exemple. Mais attends, toi, t'es un mec, toutes tes amies, tu dis pas, je suis un mec, je suis un super héros. Non, mais tu prends l'histoire, l'exemple du personnage noir, et je vais continuer sur la même. Tu regardes Luke Cage. Qui est une série sur Vincent, tu n'as pas le droit de parler. Luke Cage, c'est de la merde, excuse-moi. Non, mais laisse-moi finir. Donc, Luke Cage, j'y joue comme ça. Non, mais laisse-moi finir. Luke Cage, qui a un personnage noir dans l'univers Marvel, ils ont quand même réussi, même si tu penses que toi, c'est moi. Moi, j'ai trouvé que c'était bien fait et que c'était bien causé. Il y a un message militant par rapport au racisme, il arrive à importer des. Ils arrêtent pas d'en parler, t'as des références c'est lourd au bout d'un moment, quoi. Moi je m'en fous, c'est pareil. Mais je suis désolée, on est tous hommes, femmes, noirs, machin, on est tous des êtres humains, on est normaux. Pourquoi dès qu'on fait un film sur un type de personne, il faudrait justement parler que de ça et tout ouais. Tu parles pas que de ça dans ta vie, c'est complètement dans Luke Cage, ça se déroule à Harlem, à notre époque, hein. C'est pas à l'époque de la sortie des comics, ça se déroule en 2017 ou 2016. Il y a que des noirs. noirs dans cette série-là, il n'y a pas un seul personnage qui est blanc. Dans, mais c'est un quartier qui est comme non, ça. Non, mais que tu montres l'histoire en montrant, voilà, le pauvre gars, il lui arrive des choses, on lui fait des remarques sur le racisme et tout. Ok, tu vois, du coup, tu comprends, mais genre que t'insistes à fond sur ça, ça sert à rien. Ouais. Moi, ça va plus me toucher quand je vois l'histoire d'un gars à qui il arrive des malheurs, ou l'histoire d'une femme qui est forte, qui est machin. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est que un blockbuster. J'aurais aimé que ça c'est soit un film normal. Un peu plus loin que ça soit. Ils ont fait un blockbuster avec une super héroïne et ils n'ont pas fait des caisses avec ça. Justement, c'est pas too much. Ils l'ont traité comme ils le traitent avec comme un mec d'habitude. Comme un film normal, voilà. Quoi. Je suis désolée. C'est plus de messages, ça aurait été con et ça aurait été moi, une insulte. BVS, c'est un film. L'égalité, de plus James. Raconter quelque chose, d'avoir de plus essayer de vous dire quelque chose. Que les Wonder Woman. Ouais, peut-être, mais BVS, tu vois, personne n'a compris, alors que Wonder Woman, il peut mais parler à tout le monde. BVS, ça parle pas sur une cause, ça parle, t'as des thématiques religieuses, des thématiques psychologiques. Et bah oui, c'est intéressant, c'est même poussé. Mais toi, ce que tu veux faire, c'est sur un truc féministe. Non, ce qui est plus intéressant, c'est le message qu'il y a derrière, à savoir, voilà, le personnage qui évolue, qui perd ses illusions, qui découvre ce qui est l'homme, et qui doit du coup, voilà, trouver comment vivre, comment continuer, et voilà, se rendre compte que tout n'est pas tout blanc, tout noir, et qu'il faut sortir. Non, c'est un film sur le passage. Attends. C'est un film sur le passage à l'âge adulte. Tu as une Wonder Woman qui a le niveau d'une enfant et qui apprend la vie et qui finit par être une femme. Non mais je veux dire, sans avoir un discours super où on martèle les trucs, il y aurait pu avoir un petit passage sur le patriarcat et avoir un truc... Tu vois, vas-y Romain. Je pense que ça aurait été contre-productif pour le message. Ça aurait été, je pense que c'était suffisant et puis ça reste un blockbuster, ça n'a pas vocation à être... Oui mais tu vois, BVS, BVS a plus le... Oui, c'est pas le même mais film, c'est pas le même sujet. C'est, voilà, ça reste fantastique et on se pose des questions par rapport à un univers qui est fantastique, qui n'est pas le nôtre. Alors que les questions de féminisme, c'est dans notre univers et voilà, ça nous touche directement. Oui, mais le truc bien dans les comics ou dans l'imaginaire, c'est qu'avec de l'imaginaire, tu peux faire comprendre des trucs. Et je trouve qu'ils auraient pu aller un peu plus loin sur ça. Et on va pas en faire deux heures. On comprend. Il faut l'égalité. L'égalité, c'est traité pareil. Tu aurais le même film. Par exemple, Captain America à la place de Wonder Woman dans le même film. Tu viendrais pas nous dire il y a pas de discours sur le fait que c'est un homme ou une chose comme ça. Là, c'est égalité. Faut être traité comme Captain America. Bon, bref, moi, je vais revenir juste sur la secrétaire vite fait. On est entre 14 et 18. La secrétaire, c'est une femme, évidemment. Tu vois, à cette époque-là, il n'y avait pas trop des milliers de choix de boulot. Cela dit, tous les mecs qui sont plus haut. Gradé qu'elle qui ont une place sociale plus importante, c'est des connards. C'est l'un des personnages les plus attachants du film et elle arrive, elle sauve la situation un moment Trevor en attaquant un méchant par derrière, je sais plus. Ouais. Donc même en étant secrétaire, c'est l'un des personnages dont on se souvient le plus et l'un des plus utiles. Et en parlant de ça, il y a un autre passage du film qui m'a posé problème et où je suis en mode encore ça quoi, ça sert à rien. Le petit moment Pretty Woman où elle essaye plein de vêtements. Ça je pense qu'on lui a imposé mais tu regardes bien, c'est dans cette séquence là qu'il y a pratiquement tous les gags du film quoi. On lui a dit de faire des gags à la Marvel, elle s'est dit bon je vais prendre une séquence de merde où je vais faire que genre ça, Pretty Woman elle essaie des vêtements comme ça je suis débarrassée. Tu sens parce que ça casse le ton du film et ça va pas avec le reste donc ça. Bertrand il n'a pas parlé depuis est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Justement moi cette scène des sièges de vêtements je trouve ça faisait une sorte de petite pause bonne humeur un peu parce que enfin ça fait trop t'es une meuf donc tu vas essayer des vêtements quoi. Bah c'est au début c'est comme ça que je l'ai pris mais après techniquement une meuf entre 14 et 18 qu'est-ce qu'elle fait elle fait pas qu'une, elle fait du shopping après on peut pas non plus faire ça faut que ça reste cohérent mais oui mais l'univers. C'est Wonder Woman elles sont enfin ouais oui mais justement c'était pour montrer aussi le décalage avec ce monde à elle et le monde des hommes entre guillemets ouais justement elle demande comment on peut se combattre avec une robe et tout ça à chaque fois c'est qu'elle déchire ses vêtements et c'est juste pour montrer le décalage et toujours l'initiation. Moi, je l'aurais zappé, ce passage. Ouais, il est vraiment... Je pense que ça fait partie des 20 minutes que j'aurais enlevé pour faire d'un bon film un très bon film. On aurait pu avoir un cut, elle sortait habillée et elle disait « Ah, mais c'est bizarre cette tenue, machin. » Le temps qu'il marche, et c'était expédié que d'essayer 50 000 tenues. En mode « Ah oui, c'est une meuf, donc elle est indécise, elle sait pas ce qu'elle veut mettre comme... Enfin, » Non, mais c'est juste que voilà. Encore une fois, Captain America, on le verrait pas aller à Auchan ou je sais pas où, essayer des vêtements ou faire ses courses quoi. Quand on le voit sortir de la glace, passer à notre univers, à celui de 42, du coup, y a moins ce côté-là. Ouais. Du coup, voilà, quoi peut-on passer Vincent a une liste de trucs à cocher. T'as quelque chose à dire, Romain ? Moi, je voulais parler de la scène du bal, que je trouve assez spéciale. Alors, Je sais qu'on n'a pas inventé les détecteurs de métaux, les portiques à cette époque-là, mais se balader avec un glaive géant dans le dos, c'est un petit peu gros. Elle a mis où son bouclier aussi? Elle aurait pu laisser son épée avec. Il y a un autre point, c'est qu'elle porte une robe qui est quand même assez près du corps. Le niveau du décolleté, ça sous-entend qu'elle a rien dessous. Donc elle marche, elle doit déjà se couper les fesses. Mais après, quand elle sort, elle enlève sa robe en 2 minutes et en dessous, elle a son costume de Wonder Woman. Et quand elle danse avec comment l'autre, est-ce possible quand ouais. elle danse avec l'allemand, il ne remarque pas du tout qu'il y a des larmes derrière. Genre, il ne le sent pas. Si c'est bizarre, je sens quelque chose de dur. Vous êtes content de me voir? Je vois, moi, avec pourri. Il y avait oui, en plus elle allait dégainer et le décapiter en plein milieu du bal comme ça tranquille. Ça aurait été sympathique, hein, une petite décapitation. Oui, bah, elle n'est pas très au fait de nos conventions sociales, mais Ouais, chez à Témiscira, t'as le droit de décapiter. Bah oui, c'est des guerrières, hein, bah oui. Mais bon, ça choque personne, un glaive comme ça au milieu de la salle de bal, c'est. Et il y a un truc aussi qui m'a dans cette scène, le petit côté quand il parle avec Docteur Poison, qui essaye de la séduire entre guillemets, le fait qu'il regarde une autre meuf, ah t'as regardé une autre meuf, hein, c'est un peu. Ouais. Et puis il y a pas mal de ratés, personnage, je trouve. Ce personnage, il a tellement de potentiel et au final, toutes ces scènes sont voilà. useless. Et le fait que le général il approche et puis il fait semblant qu'il est Ares devant Wonder Woman alors que ça n'a pas de sens. Tout ce qu'il dit nous fait croire qu'il est Ares. Tu croyais vraiment qu'il était Ares à ce moment-là? J'avais de gros doutes. Après, j'ai eu des gros doutes quand elle l'a planté et qu'on a vu l'épée qui traversait son corps et le plafond et qu'il n'y avait pas une goutte de sang. Je me dis, ah bah ouais, c'est Ares, il va se transformer. Ça vous a pas choqué qu'elle bute quelqu'un? Enfin, tu l'as dit, elle a buté quelqu'un, elle en a buté plein, mais là, elle bute vraiment quelqu'un de sang-froid. Elle pense que c'est Ares. Bah ouais. C'est son but, c'est le but de sa vie. Ouais, elle est là pour sauver les hommes, hein, pas Ares. Hein, Ouais, mais c'est elle transfère quelqu'un. C'est une Amazon, tu crois qu'ils vont se poser oui, des questions? Mais c'est un grand public. Et alors, tu tues et puis c'est tout ça. Tu m'as dit que c'est un blockbuster, Schwarzenegger, il tue lui. Pareil. Ça reste un film grand public, mais regarde James Bond, il va buter tout le monde sauf le grand méchant à la fin. C'est classique, t'as le droit de buter tous les sous-fifres. C'est mais autorisé. Pas le grand méchant. Ouais. Mais pas le grand méchant. Hein. Bah, pour ouais, coup, elle a buté pour finir. Je sais pas. Elle a buté celui qui était pas Ares, elle a buté Ares. Non, elle a pas buté Ares, il va revenir. Je suis pas sûr. Je sais plus comment ça se termine. En fait, on pense qu'il est mort, mais vu que c'est Ares, que ça fait déjà plusieurs fois que j'essaie de le tuer, à mon avis, il va revenir. Et du coup, peut-être qu'il va changer d'identité, ça serait bien. Je pense que sa moustache a dissipé l'électricité et que du coup, ça fait balai brosse, tu sais, comme les petites voitures à friction, ça a tout dissipé dans la terre. Un paratonnerre, il a une moustache paratonnerre. Il y a un truc que j'ai pas trouvé crédible aussi, genre Wonder Woman, elle est là, elle soulève des tanks, elle défonce des églises, et les gens, c'est sidekick ça, ils ne croient pas vraiment l'histoire de Ares. À un moment, qu'est-ce qu'ils vous foutent plus, genre vous croyez... C'est juste une meuf avec des poils, je crois. Non, mais en plus, Chris Pine, lui, il a vu Témiscira, donc lui, c'était l'un des plus enclins à croire Wonder Woman quant à cette histoire de Ares. Mais les autres. Il a juste vu. Un monde où il y avait des mouais. Pourquoi est-ce que Ares ça te paraît ouf alors que tu vois des trucs C'est pas tant surnaturel que ça, c'est juste une île avec plein de meufs, quoi, c'est tout. Non, mais t'as plusieurs fois t'as un discours sur la religion, enfin, dès que ça parle de Dieu, de trucs comme ça, les personnages ils ont tendance à dire oh, mais c'est des conneries, parce qu'en fait ils sont dans le climat de la guerre et pour eux, comme c'est affreux, bah ils disent ah bah il y a aucun dieu qui peut nous aider, ça existe pas. Donc y a... c'est un américain. Non, mais, justement, c'est quand t'es à la guerre, je pense que t'as plus la foi. D'ailleurs, dans Mass Effect, il y a une citation de Shepard qui dit un personnage qui dit il n'y a pas d'athée sous une pluie de bombes. T'as un problème avec Bah pourtant, moi je sais que j'ai vu pas mal, enfin. Souvent, dans pas mal de films de guerre, t'as ce discours-là qui revient où t'as des gens qui vont croire et d'autres qui disent « Ah bah non, vu l'enfer que je vis, y a pas de Dieu, il m'a abandonné. » Donc c'est une thématique que tu retrouves. Après, c'est sûr que voilà, il la voit bastonner des gens et tout. Mais c'est qui ont le discours que tu dis, le fait qu'elle voie, qu'elle fasse tout ce qu'elle fait et ils se disent « Bon, elle a raison, c'est... » Il semble qu'après la scène du village, quand même, il commence à. Non, il y a que Chris Pine. C'est après la scène du village. C'est après la scène du village. C'est après, ouais, c'est quand l'autre il chante là, celui qui s'est pas tiré. Ils sont teubés. Et puis il y a le chef qui dit qu'il a raison. Le chef, oui. Saïtek Maui dit aussi. Celui, c'est le plus mystique. Mais Saïtek Maui aussi dit qu'il la croit. Et il y a que Chris Pine qui dit qu'il la croit pas. Non, bon, c'est surtout l'alcoolique en fait qui la croit pas. Mais ouais. Mais je pense qu'il n'y a pas trop de place non plus pour développer ça dans le film. Il y a pas. C'est pas suffisant. Mais après, j'ai l'impression qu'on a beaucoup déroulé les points négatifs, mais ouais. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points positifs dans le film. Le fait que, par exemple, que ce soit un film à part entière, tu le regardes, t'as pas besoin d'avoir vu quoi que ce soit avant, t'as pas besoin d'avoir vu quoi que ce soit après. c'est différent des films Marvel. J'aime beaucoup ce qu'avait fait James Gunn, mais au bout d'un moment, dans le film, tu cherches les caméos. Et ça devient plus un film, ça devient un jeu. Tu cherches au bout du canard. Moi, c'est un peu qui me plaît. Mais je veux dire, ceux qui n'ont pas les codes, ils peuvent être perdus et ils ratent beaucoup de choses au final. Et puis, des fois, moi, dans le dernier Gardien des Galaxies, ça m'a carrément sorti du film. Je cherchais. J'étais en train de chercher quand ils font les sauts entre les univers. Tu vois une planète avec deux gladiateurs. Mais je me dis, ah, ça, c'est planète Hulk, c'est la même tenue de gladiateur. Et je cherchais les trucs. Et au bout d'un moment, j'étais plus dans l'histoire. J'étais vraiment dans le jeu. Mais ça, c'est parce que t'es lecteur de comics, donc tu connais la référence. Quelqu'un qui. Genre, ta chérie, quand elle a vu le film, elle n'a pas dû se poser ce genre de questions. Elle a vu le film et puis c'est tout. Si t'as pas les références de base, tu vas pas t'amuser à chercher les easter eggs. Au final, c'est que des easter eggs, donc ça te gâche pas la vue d'un film. Moi, je trouve que dans Wonder Woman, ça manquait un peu plus de références déjà au monde du comics. Même si c'était pas un lien avec tout le monde fait une tête de 6 pans de long autour de la table. Moi, je trouve on est dans un film tiré de comics, donc ils auraient pu faire, enfin, je sais pas, une petite référence à. Bah, en fait, c'est une origin story sur une personne qui a passé sa vie enfermée dans une île et qui sort, qui découvre les choses. Donc, on est placé comme elle, c'est-à-dire on découvre l'univers par son prisme. Donc, c'était ça le parti pris, et mettre des références comics et tout, ça avait pas d'intérêt sur ce film-là. Ouais. C'est une très très bonne origin story, moi, je trouve. Surtout en 1918. Mais genre, ils arriveraient dans la salle avec toutes les cartes, il y aurait un petit point avec Kanda, enfin, le pays de Black Adam ou un truc comme ça. Ça mange pas de pain. Mais ils le connaissaient à cette époque-là ? Bah oui, parce que c'est un pays quand même. Enfin, c'est un pays. Ouais, ça mange pas de pain, mais c'est pas forcément nécessaire non plus. Moi, je suis d'accord avec Romain, ça fait du bien de voir un film qui se suffit à lui-même. Et parce ça va que... faire venir je les. Je dis pas un lien avec les autres films, je demande juste des easter eggs. Ouais, des, mais. Des simples easter eggs. Mais là, je pense qu'ils avaient besoin de relancer, d'attirer les gens qui avaient été dégoûtés par Suicide Squad, qui avaient eu du mal avec BVS, qui étaient trop référencés. Du coup, là, ils se sont dit, on va faire un bon film d'action avec une héroïne, avec voilà, le fait qu'on puisse s'attacher à elle et tout, c'était important. Qu'on s'attache à Wonder Woman pour que ça donne envie aux gens de revenir. Je pense que là, il fallait rattirer un nouveau public. En revanche, du coup, moi, j'ai du mal à comprendre. Parce que quand on voit Batman v Superman, la Wonder Woman qu'on voit dans Batman v Superman, c'est une Wonder Woman qui n'est pas enclin naturellement à aider l'humanité. C'est parce qu'elle parle avec Bruce Wayne et que c'est vraiment la merde, que ça en peut plus, qu'elle décide de revenir pour. Alors, soit on ne nous a pas raconté un truc, on va nous raconter dans un prochain film pour nous expliquer. Mais c'est ça. Ouais. Parce qu'elle est arrivée donc pendant la première guerre. Ouais. Et du coup, au fil de ses aventures, elle a vu comment était l'humain, que l'humanité allait pas bien et tout. Donc, ce côté naïf qu'elle avait dans le film, bah elle le perd, elle est triste, elle est en souffrance, elle est pas bien, et puis à chaque fois qu'elle s'attache à des gens, bah il meurt et elle est toujours là, quoi. Mais dans BVS, elle a plus l'idée de c'est pas mes ça Highlander, c'est pas, j'aide pas les humains, c'est j'aide pas Superman et Batman, c'est pas non, elle avait l'air de dire qu'elle s'en foutait, qu'elle avait sauvé l'humanité, mais moi je la vois comme un Highlander, c'est-à-dire que elle préfère rester en retrait parce que c'est une souffrance pour elle de s'attacher à chaque fois et de voir qu'elle est déçue parce que l'humain voilà, dans une société qui est violente, l'humain n'est pas ce qu'elle voudrait que nous soyons. Donc ça colle pas avec ce qu'elle nous dit à la fin du film, qu'elle croit en l'amour et tout ça, en l'humanité. Mais parce que il nous manque des éléments. Mais qu'on aura plus en tard, fait, je pense. À la fin, c'est ça, donc la fin se passe après BVS et donc sa rencontre avec Bruce Wayne, d'avoir discuté, il lui a redonné en fait l'inspiration parce qu'ils ont dit voilà, on va faire la Justice League, on va faire ci, on va faire ça, et du coup d'avoir retrouvé la photo, ça lui a rappelé cette première mission, et elle s'est rappelée que voilà, même si c'était noir, il y avait quand même de l'espoir dans l'homme, parce que quand la situation était grave, il y en avait certains qui se différenciaient et qui faisaient ressortir le meilleur et qui n'étaient pas à ce... Je pense que c'est ce qu'on voit aussi, elle retrouve de Steve Trevor dans Bruce Wayne, ouais. Clairement. Et oui, effectivement, du coup, après les événements de BVS, la vraie fin de Wonder Woman, on comprend que ça y est, elle revient pour aider l'humanité. Mais entre le moment où elle bat Monsieur Moustache, avec sa citation et ses beaux messages, et le Batman v Superman, il s'est passé des trucs dont on n'est pas encore au courant. Voilà, et c'est ce qu'on verra dans la suite, je pense. Dans cette période-là, elle aide peut-être. Enfin, elle se bat. Ça se trouve, pendant la guerre mondiale, elle fait des trucs. La deuxième guerre mondiale, elle fait des trucs, mais plus en undercover, en mode je me dévoile pas au monde. Mais ce qu'elle fait dans BVS, c'est de se dévoiler à tout le monde, vu qu'elle se met en costume. Je pense que tous les combats qu'elle a dû faire, justement, ça l'a usée. Et comme je disais, c'est pour ça que... On la voit quand elle est dans son bureau, elle a plein de trucs autour d'elle. À mon avis, elle a dû continuer à fouiller, à faire des trucs random. Elle n'est pas restée... Enfin, ouais. Je la vois pas rester inactive pendant tant de temps. Elle a dû faire des trucs, mais pas en se mettant autant à la lumière que dans DVS et à la fin de Wonder Woman. Ouais. Et il y a un autre truc qui m'a paru assez bizarre, c'est que dans Man of Steel, Superman, c'est le premier être exceptionnel qui arrive sur Terre. Ils ont jamais vu des mecs capables de soulever des voitures, des trucs comme ça. Et c'est pas juste qu'il est extraterrestre, c'est qu'il est surhumain, quoi. Et or, Wonder Woman, elle était présente bien avant oui, Superman. Mais en même temps, oui, la guerre... en tant que légende urbaine. Oui, voilà, la guerre mondiale, c'était un moment, et à mon avis, ils ont dû, tu vois, passer sous silence ce qu'elle a fait, quoi. Quand même, il y a eu des photos qui ont été prises, et puis s'il y a plusieurs soldats qui te disent qu'ils ont vu une nana porter un tank et détruire une église. Oui, mais là, le mec qui l'a dit, ils vont dire, oh, le mec, il a fondu son ouais, câble, voilà. Une même... femme qui a des pouvoirs, mais c'est pas oui, possible. Ouais, bon, quoi, ok, ça, c'est plus crédible. Après, la photo, voilà, la plaque, il a mis du temps à la retrouver. Si quand même, elle a aidé un peu, tu vois, l'armée, ils ont dû. Ça doit pas leur faire plaisir, les Anglais, genre quoi, une meuf, elle a tout réglé. Bon, attends, ça va pas, allez hop, shocking, on balance tout ça, quoi, tu vois. En plus, c'était à la fin de la guerre, en plein armistice, ça se trouve, en fait, ils ont vraiment signé l'armistice et toute l'histoire autour de ce truc, ça a été mis sous. Et puis, les Anglais qui l'envoient au final, c'est Ares, donc c'est normal que ça passe sous silence. Et puis, ça reste une nana en cosplay sur une photo. C'est pas, on la voit pas faire des trucs. Et puis voilà, on dira qu'il y a le syndrome post-traumatique pour tous la légende, joie, vois, etc., etc. D'accord, j'accepte. Ouais. Un truc que j'ai trouvé plutôt c'est le ridicule. De Vincent et c'est bah, écoute, on arrive au bout là de ce que j'ai noté. Vas-y. La dernière séquence du film, la dernière scène du film, c'est une scène qu'on retrouve dans beaucoup de films de super-héros. C'est l'héroïne, le héros sur un toit qui fait un truc, on sait pas trop quoi, alors du coup là elle saute d'un immeuble. Bah elle s'envole. Elle s'envole ou elle saute? Non, elle s'envole. Là elle vole. Bah on a vu clairement qu'elle volait. Oui, dans Superman elle vole, c'est vrai. Qu'est-ce que je veux dire? Tu la vois, elle regarde un bateau sur la Seine et elle vole vers lui en position de guerrière, genre mais qu'est-ce qu'il y a? Non, elle vole vers l'azur, elle entend un truc, ouais. Et elle vole vers... Il y a une espèce d'explosion, non, on sent, il y a un bruit, ouais, y a un bruit sonore, ouais. Et elle pose tout ce qu'elle fait et elle se barre. Ah, j'ai pas entendu ça, d'accord. On l'entend pas, mais on voit qu'elle on voit qu'il tilt sur un truc. Il y a un truc soudain qui la fait partir, en tout cas. D'accord. Bah c'est tout, parce que j'ai plus rien. Vous l'avez vu, quand elle se bat avec Ares, elle vole vraiment. Il y a un moment où elle reste 30 ans en l'air. Ça m'était sorti de la tête d'un coup. J'étais tellement hypnotisée par les moustaches. Bah, après, dans toutes les adaptations, on adapte plus ou moins les pouvoirs. Il fallait voir les Superman 3 ou 4 quand avec sa supervision, il reconstruit les murs qu'il a détruits juste avant. C'est dans le 4. Quand il remonte dans le temps en tournant autour de la planète. Il me semble que ça y est dans les comics aussi, il me semble, ce pouvoir. C'est too much. Dans le 2, il y a Zod qui marche sur l'eau. Ouais, mais pourquoi c'est pas. Zod, il est trop fort. Peut-être qu'il vole et il fait genre, je marche sur l'eau. Non, il marche vraiment sur l'eau. Non, il marche. Parce que tu vois vraiment clairement qu'il y a un truc. C'est Jésus, en plus il a une barbe. Un plancher, et en fait il y a sa dos et on le voit marcher sur le plancher, en fait. Ouais, c'est beau. Non, mais voilà, c'était vraiment des petits pinaillages, ouais, à part sur la fin qui est vraiment un gros pinaillage, mais ça m'a pas empêché d'adorer le film, comme je disais, les scènes d'action, quoi. Bon, on en a 40 minutes, on va faire un dernier tour de table, ouais. À savoir, est-ce que vous conseillez le film? Oui. Et qu'est-ce que vous attendez pour la suite? Donc, aux dernières rumeurs, à mon avis, c'est Batgirl l'univers, enfin Dark Universe qui va plus s'appeler Dark Universe. De toute façon, c'est Joss Whedon Batgirl, alors c'est bon. Et normalement, ça devait être Dougie Man, mais en fait, ce n'est plus Dougie Man parce qu'il part du projet. Donc le Dark Universe, c'est la JLA Dark. Donc avec Constantine, Zatanna, Swamp Thing et. Le fantôme là. Deadman. Ouais. Qui ouais. Ils sont pas fait chier pour trouver son nom, celui-là. Le mec, clair. Il est mort, il revient à la vie de Deadman. Mais moi, j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée, suivre l'exemple qu'on a eu avec Wonder Woman, améliorer les petits points améliorés, et qu'on ait enfin quelque chose de cohérent, avec quelque chose qui se moque pas du tout. Est-ce que tu conseilles le film ? Moi, je le conseille parce que j'ai adoré. Tu vas acheter le Blu-ray et Oui, la Funko Pop, tout. J'ai est-ce adoré. Ça te donne envie de lire du Wonder Woman ? Bah, ça m'a donné envie d'en relire, ouais, parce que c'est un petit moment que j'en avais pas lu, donc oui. Moi, j'étais à fond, je trouve ça super inspirant. Je suis sortie, j'avais envie de décalquer la gueule à tout le monde. J'étais là, donnez-moi mon petit bouclier et tout. Mais elle a cassé la gueule à Ross pendant le truc. Ah, mais quand je suis au boulot, je monte les escaliers, je dis bouclier, tu vois, ça me donne du courage, quoi. Tu vois, ouais, c'est magnifique. Vincent, qu'est-ce que... Ouais, moi j'ai bien aimé. Par rapport à Suicide Squad, je trouve qu'il y a une belle évolution. Il remonte bien la pente. Et c'est encourageant pour la suite, du coup. Et moi, je, pour l'instant, je suis plus DC Extended Universe. C'est comme ça. MCU. Que MCU, ouais, carrément. Et non, je sais plus. Peut-être que je retrouve pas ce que je voulais dire, mais ouais, mais plutôt content. Bertrand, toi qui n'as pas trop parlé, qui avait l'air plus mitigé sur le film. Bah, c'est pareil, donc j'ai été mitigé, mais après, c'est comme Adiface, c'est principalement pour du chipotage, parce que ouais. J'adore aller, voilà, c'est dans mon sang. Mais après, je veux dire, il est bien, je sais pas, c'est quand même un bon moment. Moi, je l'ai vu en IMAX, donc je sais pas si c'est spécialement un bon investissement. Je pense que rien qu'en... Ça vaut le coup. Moi, je pense que ça vaut le coup. Enfin, je l'ai vu deux fois en IMAX, donc... Oui, mais ça, mais ouais. je suis pas sûr que tu perds vraiment quelque chose du film si tu le regardes pas en IMAX. Hein. Ouais, mais c'est plus t'en prends plus plein la gueule. Pour les scènes d'action, je trouve que l'IMAX, c'est bien, quoi. C'est une bonne sensation. Oui, mais les scènes d'action, après, c'est qu'un petit bout du film, c'est pas tout le reste. Ouais. C'est cool en IMAX. C'est... Oui, non, mais bien sûr, c'est toujours cool. Comme on l'a pas partout, en plus, comme on a le plus grand écran de France, il faut s'en... Ah donc oui, non, mais je conseille vraiment aux gens d'y aller, et franchement j'ai passé un bon moment, et je pense que je le re-regarderai encore avec plaisir. Est-ce que ça te donne espoir pour le reste du Ah oui, franchement... Batgirl, Dark... Enfin, J.L. Dark, tu Bah c'est pour ça, là on va commencer à toucher à mes personnages préférés, c'est-à-dire Flash et Zatanna. Bon, pour l'instant Flash apparemment il sait pas pour tout de suite, et mais oui. Zatanna je sens que... J'ai c'est un peu ton peur. Personnage préféré, et t'aimes pas Ezra Miller, mais vraiment... Mais... Non mais je suis désolé, j'aime pas Ezra Miller, j'aime pas Ezra Miller, pas, c'est... Je comprends pas. C'est un problème. Je veux dire, c'est pas vraiment l'acteur lui-même, c'est plus ce qu'il représente, ce que j'aime pas. Mais dans Les Animaux Fantastiques, il est creepy, hein. Moi, je le vois pas en Flash. Hein. Moi, je trouve que je l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'en ces quelques petites apparitions, il a complètement oublié ce tâcheron de Grant Gustin. Ah non, tu peux pas te laisser critiquer Grant. Non, tu peux pas. Ah d'accord. Attention, c'est assez révocable dans l'émission. Si on aime le CWverse. On se fait virer obligatoirement. Non, je rigole, c'est du bon. On va passer à Romain. Alors, attends, dernier truc, est-ce que ça te donnait envie de lire du Wonder Woman? Oui, franchement, après avoir lu Wonder Woman Rebirth, c'était sympathique, mais ça m'a pas plus donné envie que ça de continuer de lire. Ouais. Mais là, après le film, j'envisage de m'y investir plus. D'accord. Plus. Moi, tu m'as pas demandé. Hein. Et, parce que je veux pas ton avis. Ah. D'accord. Romain, donc. Le con. Non, vas-y, je te laisse. Bah, la réponse était non, voilà. Voilà, non, c'est non. Très utile comme réponse. Non, par contre, ça m'a donné envie de la jouer dans Injustice. Voilà. Mais elle est pas très belle dans Injustice. Ah ouais, dommage. Bon. Son costume, parce qu'il y a. C'est un truc relou de Injustice, il faut débloquer au fur et à mesure, donc faut vraiment monter, jouer beaucoup pour pouvoir débloquer les costumes comme ça. Mmh. Et son costume du film est assez cool, par contre. Mmh. Donc, Romain ? Alors, moi, je conseille aux gens d'aller le voir. Mais je conseille aux gens d'aller voir un film de super-héros. Ils vont pas voir le film du siècle. C'est un très bon film de super-héros. C'est un très bon film d'ici. Mais moi, je pense que j'étais un peu trop hypé pour aller le voir. Et oui, je lirai du... Tu liras du Wonder Woman ? Wonder Woman. Moi, j'ai prévu d'acheter Terre 1, déjà. Terre 1. Merde. Morrison. Bon, moi, j'aime pas trop Morrison. Mais, il là, a fait ça un va. Super boulot sur Batman. Je suis pas d'accord, on sait pas, j'aime bien le début du run, mais j'aime pas trop la fin. Mais déjà, Yannick Paquette, c'est de l'éclatation de rétine du début à la fin. C'est tellement beau, c'est tellement. Mais alors, du coup, tu aimes ou t'aimes pas? J'aime beaucoup. Donc c'est de la merde en fait. Son Wonder Woman Earth One, il est vraiment. Enfin, Morrison est pas trop. Parce que c'est un mec un peu taré qui fait des trucs un peu bizarres. Non, Morrison, il a quand même réussi le tour de force à faire rentrer. Plus de 70 ans de Batman dans une seule et même continuité. Ouais. Et j'ai trouvé ça assez fort. Bien sûr, c'est tiré par les cheveux, t'as des trucs assez spéciaux. C'est le mec qui a fait Batman Inc. quand même. Dans Batman Inc., il y a des trucs un peu... On part dans des trucs vachement obscurs, là. J'ai une question. Pourra-t-on trouver chez Jojo Comics des titres Wonder Woman et un rayon complètement spécial Wonder Woman? C'est important. Alors, Jojo Comics fera 40 mètres carrés. Ouais. Et il n'y aura que du Wonder Woman, comme ça je l'aurai. Voilà. si j'aimerais faire des rayons par super-héros, ce serait super, mais ce sera une étagère. Voilà. Une étagère Wonder Woman, ce sera déjà bien. Donc moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas d'aller checker dans la description le lien pour Jojo Comics et d'aller Faut participer à leur événement, à leur crowdfunding. Tu vas y arriver. Je vais y arriver, je vais y arriver. Un grand merci à la Game Taverne de nous avoir encore accueillis pour ce tournage d'émission parce que c'est vraiment cool. Moi, je vous conseille fortement d'aller faire un tour pour jouer à des jeux parce que vous avez des jeux à disposition, des jeux de plateau à disposition et pour boire un coup, vous avez plein de cocktails et plein de trucs. J'ai oublié encore une fois le nom de la rue. À chaque fois, j'oublie de le noter. Mais c'est vers de quoi ? La rue Crandall. La rue Crandall, oui. Ouais. Bertrand est très connaisseur, il connaît bien les l'adresse. Ouais. Donc moi, je mettrai l'adresse dans la description. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Est-ce que Vincent, tu veux faire la pub vite fait de Geek en série ? C'est quand déjà ? Le prochain est dans 15 jours, et là vous pouvez voter, c'est exceptionnel, pour choisir le prochain. Déjà, il y en a un vendredi qui n'est pas passé sur. Oui, il sera passé. Mais attends, j'explique le vote, c'est très très important, c'est exceptionnel. Vous pouvez voter pour choisir donc le prochain sujet de l'émission. Vous avez le choix entre Revenge, The Wrong Man et Of I Met Your Mother. Donc pour ça, il faut aller sur Facebook ou Twitter. Et puis vous votez. Et vous n'écoutez pas James parce que c'est un vilain. Vous votez, les amis. J'ai pas envie de regarder Revenge. J'ai pas envie de me faire Mother. On a trois possibilités qui peuvent être sympathiques, que j'ai tout vu, que je connais par cœur. Donc vous pouvez prendre n'importe quoi. Moi, mais c'était à Rose de le faire. Il a pas voulu. Mais non, mais. Oui, mais je sentais qu'il avait du mal. Tu comprends, il fait partie de l'équipe. Je sens quand un membre de l'équipe a besoin d'aide. Le truc, c'est qu'en ce moment, on est décalé par rapport à la radio parce qu'on fait plus vraiment le truc en direct. Ouais. Et moi, je sais plus. Je sais quand on enregistre, mais je sais plus quand est-ce qu'on diffuse. On attend un nouvel horaire. Donc, on aura bientôt un nouvel horaire pour le faire en direct à la radio. Vous verrez, ce sera génialissime. Moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain, 18h. On va vous parler de comics. Je ne sais pas encore lequel, peut-être Stranger in Paradise, peut-être, j'allais dire Stranger Things, peut-être le truc de Stuart Immonen et de sa femme, je ne sais pas encore. Ne me regarde pas, moi je serai pas là. Oui, oui je sais. Sinon, vous avez les réseaux sociaux comme d'habitude. N'oubliez pas que si vous nous écoutez là, vous devez nous écouter sur iTunes ou sur Podcast Addict. Si vous avez un compte iTunes, allez nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous fera plaisir. Et en plus de ça, ça nous permettra d'être mieux référencés sur iTunes et d'être plus mis en avant sur iTunes, qui permet d'avoir plus d'auditeurs, donc plus de possibilités de vous faire des trucs. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous mes invités, merci à Romain d'être passé. Bah, merci à vous de m'inviter. Et c'est si tu as envie de revenir pour parler de comics, avec plaisir. Ce sera avec plaisir. C'est toujours avec plaisir. Ok. Merci à Faye et à Rose. Faye qui est une ancienne DC et qui reviendra peut-être si on ancienne de quoi ? Bah, DC. Ah, DC d'où ? De Comics et tout le monde. Ah, excuse-moi. Putain, je cherchais de la Game Taverne. Oui, bah, je reviendrai si l'horaire le permet, avec plaisir. On demandera peut-être de commencer à 19h, ça arrangera peut-être tout le monde. Merci à Bertrand d'être revenu pour la deuxième fois. Et pas de rien. Est-ce que tu viendras la semaine prochaine discuter avec nous ? Bah, avec plaisir. Ok, on va faire ça. Et à la semaine prochaine. Et je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye. Salut. Ciao.